Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 7 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. L'aliment de départ pour le match de ce soir, les numéros 75, 21, 98 et 7. Mart, Dave, Alex et moi-même, Jeff. J'écoute ça en 2014, je suis écœuré de notre intro de marde. Salut tout le monde! Bienvenue à la soirée du podcast, émission de discussion sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle avec passion, boisson et bouchon de bière qui tombe sur la table comme ça. La soirée du podcast, c'est un podcast qui se fait même dans l'après-midi. Non, oui. N'importe quand, nous autres, tu sais, il est dans 5 heures quelque part, fait que tout à l'heure d'ouvrir une bière. Ça, ouais. Ça, c'est comme la soirée du hockey, ça peut jouer à 2 heures, mais c'est pas grave, c'est la soirée du hockey barré. On va se tromper ce soir. Ouais, c'est ça. C'est cet après-midi. Ce soir, je me suis encore trompé. Là. J'ai dit ce soir, il est ouais, c'est ça. Excusez-moi, là, arrêtez de vous excuser à chaque fois que vous dites ce soir. On le sait, vous êtes tout fourré. On sait que ça prend pas grand-chose pour vous mêler. Déjà, Pierre, Asti. Faites ça tous les ans, ça m'appelle. De toute façon, c'est un podcast. Le monde, ils peuvent écouter ça en 2 journées, à manger leur bacon. C'est un podcast. Un bon podcast. Hey, bonne année les gars, 2014. Ben oui, la coupe en 2014. Ouais. La coupe à Chicago. Elle va gagner. Ouais, soyons positifs un peu. T'es sûr qu'elle va être gagnée en 2014. Ouais. Il y aura effectivement une coupe 2014. On peut l'affirmer ça, 100%. Et à Montréal, on va faire ce qu'on va tenter de la coupe de cheveux. Chez Menick. Menick, prends sa retraite un jour ce gars-là. Non. Il a joué dans les boys. Et Workaholics, ben ouais. Hein. Quand t'as joué dans les boys, tu sais que ta carrière a plafonné, je pense. Moi, je vais aller faire couper. Il est pas prêt d'attacher ses ciseaux. Ses ciseaux. Son peigne. Son peigne, ses ciseaux. Je suis sûr qu'il fait juste une coupe, la brosse. Il fait une coupe, la brosse. Encore juste la brosse. Il fait une coupe, c'est la brosse. Il prend son clipper. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Il demande n'importe quelle coupe, il va dire OK, c'est beau, puis finalement, il fait une brosse. Sors-le là avec une brosse. Clipper à numéro 2. Bon, ben, assez pour l'avant-match. Commençons cette partie. Avant de commencer la première période, petite question comme ça du public. Êtes-vous plus bois ou aluminium, vous, les gars? Question de Seb de Boulevard Brutal. Tu nous parles ça de même, là? Ouais, j'ai décidé de la faire. Question bâton ou patin? Fibre de carbone. Fibre de carbone. Alex, c'est patin en bois. Un bon Sherwood en bois. Là. Sherwood, ils sont pas en train de faire faillite, d'ailleurs, à cause des nouveaux bâtons. Ouais. Je pense pas, ça se vend bien au Canada. Là, 5 ans encore, je sais qu'il restait, je pense, 6 joueurs dans la Ligue nationale qui utilisaient encore le bâton en bois. Donc, Brisebois. Spezza utilisait encore le bâton en bois. Les bâtons en bois, là, l'époque est révolue. Ben, pour de vrai, c'est vraiment une différence. Ton shot est bien moins fort s'il est dans le bois. Ben, c'est parce qu'il y a pas mal de flexion. Il est plus solide, par exemple. Ouais, il pète moins. Il est plus solide, mais il y a moins de flexion. Ça fait pas de snap. Ah, c'est technologie qui change le sport, là. On n'en parlera jamais assez. Ah ben, on a fait le tour, je pense. Mais aluminium, même aluminium, ça se fait même plus. C'est quoi, des Easton? Ça se fait plus. C'est deux affaires vieilles. C'est les premiers bâtons qui sont plus, c'est Easton. Easton. Ouais. C'est ça, premier en aluminium. Tu pognais le shaft, puis tu mettais la palette après. On l'a dit tantôt, le sexe, ça fait vendre. C'est pour ça que nos téléspectateurs... Non, mais c'est vrai, les affaires, ils venaient à deux kits. T'achetais le bâton, t'achetais ta palette, puis tu... Ouais, puis faut t'ajouter la boute au bout. Il collait le mignon, là. Mais tu sais, tu reviens cette question-là à des filles aluminium ou bois, puis la question va peut-être prendre un autre tourneur. Effectivement. Mais là, on n'est pas dans une émission de sexe et confidence. Donc, on se fait une petite jasette là, spéciale de sexe hockey à un moment donné. Mais toi, Alex, on sait que c'est deux sujets qui se mélangent bien. Toi, Alex, bois ou aluminium dans la chambre à coucher? Aimes-tu les écharpes? J'aime bien le bois bien verni. Là, j'ai même pas un stagiaire en période, fait que je peux pas coller de pénalité encore pour cabotinage. Un bois avec un gros grain. Comment ça? Ah, ben là, on est début janvier, on est le 4 janvier 2014. Alors, on va revenir sur les derniers matchs du Canadien et sur le mois de décembre aussi. Dave, je sais que t'es le gars des stats. Oui. c'est le gars des stats. Moi, je connais une stat, c'est le résultat des matchs. Vas-y donc. Okay, qu'est-ce qui s'est passé entre nos deux podcasts? La dernière fois qu'on a lâché, c'était le dernier podcast, c'était le 14. 14? Qu'on a lâché. C'est le 17. On a lâché. Je peux te tromper, mais le 17, c'était un mardi. Non, c'est le 14. Samedi, c'est le 14. Fait que le dimanche 15 décembre, il y avait une game. Ben, en fait, il y avait une game aussi le soir même qu'on a gagné en prolongation. J'ai pas pensé de la prendre, celle-là. Mais on a gagné. Contre les Islanders. Elle compte pas. Je pense qu'elle a gagné 1-0. Ouais, c'était vraiment pas. On a pas rien manqué. Comme toutes les games des fêtes. Ouais, c'est ça. Fait que le 15 décembre, Panthers contre Canadiens. Bouddha était d'un but, puis on a perdu 2-1. C'est là qu'on s'est fait refuser 2 buts. Boudaille. C'est là qu'on s'est fait refuser des. Non, c'est pas, non, pas ça, c'est récemment, temps. Ça. Le 17, mardi 17 décembre, Coyotes Canadiens. Canadiens a gagné 3-1 contre Phoenix. Ouais, c'est magnifique. Après ça, il y a eu la débandade contre les Blues. Là. Ah, ben ça, je vous l'ai dit, les Blues ont gagné à quoi? Les Blues ont gagné 5-1 contre Montréal. Est-ce qu'ils sont beaux à voir jouer, par exemple? Ouais, les Blues, c'est une machine. Ils sont même trop gros, même. C'est une machine d'or. Ils sont bâtis en esti. Après ça, Predators contre les Canadiens. Victoire en prolongation du Canadien, 4-3. Ensuite, le 28 décembre, samedi le 28... après ça, il y a eu la pause. Là, ah oui. Ça, c'était le 21. Il y a eu la fêtes. Pause. La dinde. Ils sont revenus le 28. Le slum du temps le des fêtes. Le samedi 28 contre le Lightning. Victoire en fusillade. Oh, c'était 2-1. C'était ce game-là. Man. Ouais, mais c'est une bonne fusillade. Ouais. Tout ça, c'est une bonne fusillade. Le 29 décembre, Canadien Panthers, un match retour. 4-1. Pour la Floride, quel match décevant. On s'est fait refuser 2 buts. Ouais. C'est dégueulasse. On va en reparler, je pense, Jeff, t'as noté ça. Ouais, mais ça aurait été 4-3. Ouais, mais... Quand même. Mart, ça change la donne. Ouais, ça change la game. Ça change une game. Le mardi 31 décembre, game contre les Hurricanes, la veille du jour de l'an. Mais quel game de merde. Le Canadien menait 3-0 en troisième période, puis ils ont perdu 5-4 en prolongation. C'était fou, c'est dégueulasse. Comment que ça peut tourner, mon gars? Mais comment ça peut tourner? Ouais, comment ça peut tourner dans la zone de Montréal, si sans qu'il fasse rien? Mais comment tu peux faire 3-0 et après ça perdre? Je capotais. 4 buts sans rien faire. Ça, c'est dégueulasse. Les deux, on en a parlé tantôt. C'est un des problèmes. Ok, mais je vais en reparler moi aussi parce que j'ai quoi à dire par rapport à ça. Ben, ok. Ouais. Ben, ok. Ouais, mais moi, j'ai pas noté. Vas-y, non, on va. Monsieur Langdo va décider. Ben, non, mais c'est parce que tu sais que t'as de quoi par rapport à la direction, là, puis l'entraîneur, puis toute la quête. Fait qu'on pourra en revenir là-dedans, parce que ça a rapport un peu avec ça. Bon, on a rien. Moi, je trouve pas. Ben, moi, oui. Okay. Je vais en revenir. Pour l'évaluation de la direction, on va revenir tantôt. On va en revenir. Hey, revenons-en, tout le monde. Reviens-donc-en. Après ça, le jeudi 2 janvier, donc, Canadien contre les Stars, marque finale de 6-4 pour le Canadien. Un bon game. Qui a gagné, qui était une game offensive à tous les niveaux. Ouais. C'était un beau spectacle à regarder. Ouais. Une victoire du Canadien. Puis je salue les deux personnes qui sont dans la chatroom présentement, Tabarnak de Calis et Bukaki qui est de retour. Bukaki, hein. Donc les commentaires jusqu'à date, ils parlent de... C'est peut-être le même. Le tournoi junior, là, ils parlent de l'arbitrage pour... on a un aperçu de ce que ça va être l'arbitrage pour Sochi. Ouais, hey. Mais le tournoi international, c'est tout le temps comme ça. Mais de toute façon, on reviendra sur Sochi en troisième période, puis on a Bukaki qui... Pourquoi on est les seuls, est-ce, dans le monde, qui mettent un T à Sochi? Je sais pas. Tout S-O-C-H-I, nous, on a mis un T, est-ce. Ben, ce sont les francophones, tabarnak. Y'a pas de T. Non, il n'y a pas de T, c'est SOC. Ben, on a Bukaki qui a un commentaire sur Gomez, qui nous dit, sur Brière, qui nous dit que Brière est pire que Gomez, finalement. Fait que, sur ça, on va revenir tantôt sur le cas de Brière. Wow. Après un an sans scorer, là, c'est pas arrivé. Il n'est pas pire. Il est pas super. Il est bien meilleur. Fait que mois de décembre, qui est passé. Il y a plus de vues que ça. Donc, la Coupe Molson du mois de décembre a été attribuée à Tomáš Plekanec. Devant Price, Tomáš. Darna et Pacioretty. Vous, d'accord, pas d'accord avec le choix de la Coupe Molson? Ben moi, je suis d'accord. Moi, je donnerais à Plekin. Oui. Ben oui. Bon choix. Là. Ben oui, c'est un excellent choix. Plekanec. Ben c'est le même qui l'appelle à 24. Il y allait... Dans 24CH, non, mais tu sais, je veux dire, il joue tout à bien en désavantage, il est en 5 contre 5. C'est un all-around. Il fait tout, puis il fait tout bien. Tu sais, je veux dire, n'importe qui voudrait un joueur de même dans son team. Ouais. Anytime. Ah, ouais. Fait que, parfait. Ben oui. Ce qui est surprenant là, cette année, à date, c'est que en 3 mois, parce qu'il y en a eu un au mois de octobre, novembre, puis décembre, puis ça a été 3 joueurs différents. On a eu Price, on a eu Pacioretty, puis on a eu Plekanec. Souvent, quand tu regardes là, les années d'avant, là, c'est pas mal. C'est tout à Price. C'est ça. Venait, ou, c'est bien rare que c'est Gianta ou que c'est... Ouais, c'est ça. Là. Ouais, non. Giunto. C'est une fois de temps en temps. Ben, je trouve Plaquet, c'est un bon choix parce que pour de vrai, même si l'équipe va pas super bien, il est toujours là. Lui, il joue tout le temps. Il y a pas de... Lui, c'est l'insérie son problème. Ouais. On n'en parle pas dans l'insérie. Ben, pendant l'année, il est tout le temps bon. Là, c'est là que Brière va prendre sa place. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Merci, bon. Plaquet va être benché. Partez-moi pas. Pacioretty, bon deuxième, je pense, pour la Coupe. Vraiment pas loin pour sa production offensive dans le mois de décembre. Ouais, ben là, ouais, il lâche pas, là, Pacioretty. Ben, il y a eu une petite drop là, pendant le mois de décembre. Là, parce que toute l'équipe a une drop. Il y a pas ouais, mais il y a pas eu... Non, mais personne n'a scoré là, pendant le mois de décembre. Parce que on a fait des games de deux buts, là, puis un but. Puis, ouais, alors, c'était bien beau. Là. Le deuxième sérieusement, but, ça fait dur en style, là, décembre. Là. Ouais, non, ben, regarde, ça fait dur, mais je veux dire, c'est le seul. Mais là, Pacioretty, il est revenu. Là, il est revenu fort dans ses dernières games, tout ça. Là, il nous montre que Chris va la mettre dedans, puis tout ça. Il montre qu'il veut faire le Team USA. Ben, il le fait. Je sais. Ben, ça aussi, on va en parler tantôt. Ça, on va en parler. Faut pas trop parler trop vite de sujet. Ça, on aurait payé ça à faire. Oh, faut pas brusquer, monsieur. Faut pas brusquer, si, hein, c'est ça. Hein? Soyons doux. Stéphane, défends-moi. As-tu les Dave, les stats? Présentement, on est combien dans la ligue? On est quatrième dans la ligue. Ouais, on est. On est trois. On est trois. Dans notre division, on est troisième. C'est ça. Suivi de Toronto. Si on parle je pense. Du Wild Card. Non, dans notre association ou notre division? Dans notre division, on est troisième. Ouais, c'est bon. Les divisions, c'est Wild Card. C'est les trois premières de chaque division, ouais, plus deux autres qui vont faire les séries. On est quatrième dans la conférence. Quatrième dans l'Est en points. Ouais. Mais en réalité, si tu compares avec la division métropolitaine, puis je pense qu'on a plus de points que genre la deuxième puis la troisième équipe. Ouais, mais ouais. Malgré là, le style de jeu de Montréal, tout ça. Là. Fort, là. Mais j'ai une question. Là. Attends, ouais. Si mettons la division métropolitaine, c'est encore les trois premiers de ouais, ceux-là c'est qui les vont trois premiers. Même si ils ont plus de points que ouais. Les deux deuxièmes. C'est ça qui est tough. That's man. That's bullshit. That's the wild card thing. Ouais. Wild card. Bon, puis comme il y a un mois de passé, on va faire ce qu'on a fait au mois de novembre aussi. Votre plus et votre moins du dernier mois. Holy shit. Même moi, j'ai pas pensé. Fait que, c'est vraiment ouais, moi, gars, je te dis tout de suite. Moi, c'est même pas tough pour moi. Là. Mon moins, là, la défensive. Là, c'est dans un joueur. Mar, dans un joueur. Emelian. Ouais. Ouais. Hey, Mar, tu sais quoi? Ça me déçoit de dire ça, mais moi aussi. Ah oui, Chris, il est à moins 11, je ouais. Pense. Ah, il est vraiment à poche, mais un joueur qui est laissé de côté ce soir, Diaz et tout, il est de la merde. Ouais. Ben, honnêtement, là. Puis Murray, là, il frappe comme un train aussi, là, mais Murray, là, en défense, c'est pas fou. Ben, il est mieux que Diaz. Ben, ouais. Diaz, c'est mieux que Bouillon. Il y a Bouillon. Pas mal égal. Regarde, c'est pas compliqué. Défense, là, pour aller chercher un peu ce que tu disais, là, en défense, t'as Subban puis Markov. Ouais, mais quand Bouillon après joue avec ça, Subban, ça il était bon. En tabarnak. Quand ouais, Bouillon a joué avec Subban là, à Dallas, puis il a joué à Caroline. Il a joué deux matchs avec Subban. Ouais, mais quand Komisarek bon. Jouait avec Markov, il était bon, hein. Ouais, puis quand il a crissé son camp, ben, Sti, il s'est ramassé ben, dans la Ligue américaine. Je sais pas, Murray avec Subban, ce serait pas ma affaire. Ben, même ouais, l'année passée, quand Diaz jouait avec Markov, là, tu sais, là, notre saison est courtée, là. Le premier début, là, les 15-20 premiers matchs de Montréal, là. Hey, tu sais, Diaz m'a dit, ah, c'est Diaz, bon, Diaz, il était franchement, top il était, point il, de la, il était dans, pairé. Dans l'équipe. Ben oui, il était pairé avec Markov. Markov, that's it. Ouais, mais cette année, il fait rien en avantage numérique. Ouais, mais c'est vrai ça, qu'il y a juste 30 secondes, ouais. Parce que souvent, ouais, il reste ça longtemps. Mais c'est ça que j'aime pas, c'est que, tu sais, on dirait qu'ils ont comme... Ils ont comme essayé de pairer genre Subban puis Markov, puis c'était pas un mauvais choix. Ben, c'était bon au début, mais à un moment donné, c'est excellent pour l'attaque. C'est meilleur duo de la excellent pour les... Voyons. Ben, c'est power play. Les power play, c'est ça. Mais Chris, en défense, mon gars, si mixe tes cartes un peu. Parce on fait que dur avec la défense. Là, on dit plus ou moins. Fait ben, pas c'est effrayant. Bon, ben, moi aussi. Emeline. Ouais. C'est là qu'il arrive des affaires comme la game contre Caroline où on se fait virer dans notre zone. Puis que, tu sais, on se fait. On se fait amphiroiper. Puis après ça, on a game contre Caroline en troisième période. Les gars, ils étaient en arrière du net. Puis ils faisaient. Ils passent dans ce net. Non, mais ça, j'ai une explication pour ça. Mais. Ah, si, ouais. Ben, c'est vrai. Ok, mais ton moins. Mon moins, je vais dire Diaz. Puis mon plus. Ouais, on a plus. Peut-être le plus encore. Ton moins. Ben, je vais dire Emeline, moi aussi, mais je pourrais même mettre Georges là-dedans. Là. Ben, non, ben. À part bloquer des shots, là, Georges ne m'impressionne pas bien dans les dernières games. Là. Ouais, il y a une drop. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire, fait que c'est pas lui. Il est dans la moitié de défenseurs qui passent le test en ce moment. Tu sais, nos trois défenseurs qui font la job à Montréal présentement, t'as Subban, Markov puis Georges. Ouais. Parce que. Parce que Bouillon Murray, ça fait pas grand-chose. Il y a Boukaké sur le chat qui dit qu'on a trop de défenseurs qui est du calibre de 7. sixième, septième défenseur. Je, oui, dire, pour, je peux pas dire septième, sixième, ben, peut-être. Cinquième défenseur. Septième, c'est... Montréal, c'est une équipe qui a quatre, cinq, sixième défenseurs. Parce que, tu sais, Subban 1, Markov 1, Georges 3. Il n'y a pas de deux, vraiment. Ben, moi, je mettrais Georges comme 3. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tard, là, dans un sens. Murray, 5. Bouillon, 5. Peut-être... Non, 6. 6, les gars. Bouillon et Murray, là, c'est 6 à cheval 7. Diaz, il est dur à placer. Emelin, je dirais que c'est un bon 3. Diaz, c'est 6, là. Dans une bonne équipe, on n'a pas de deux. Emelin, c'est un bon troisième défenseur s'il fait la job. Là, présentement... Quand il joue bien. Là, il est fucké. Il suit pas la game, là, zéro. Il est mélangé. Il est en retard sur le jeu. C'est quand la dernière fois qu'on l'a vu faire un gros hit, là, récemment, là, mais il n'y en a pas eu, c'est ça. Je sais pas c'est quoi qu'il y a. Ils sont tous débalancés. Quelque chose qui ne va pas. Ben là, tabarnouche... FireTerrien.com .qc.ca /... Non, moi, je dirais FireTerrien. On va venir sur Terrien tantôt, mais votre plus de bord... Mais juste avant... Ah, ben vas-y, juste avant d'y aller, là, dans le plus, là... juste pour donner un exemple, là, Canadien présentement, on parle de Diaz, Emelin, Bouillon, Murray, les quatre défenseurs qu'on parlait, là, c'est tout d'un moins. Moins 3, moins 8, moins 9, moins 11. Moins 11, c'est Murray, moins 9, Bouillon, moins 8, Emelin, puis moins 3, Diaz. Diaz, c'est le moins pire, tu sais. Ouais. Dans liste, là. Ben, Diaz, c'est le moins pire parce que c'est lui qui bouge le mieux à Puck dans ce bunch-là. C'est ça. Mais il n'est pas tout Diaz, mauvais, Diaz. Diaz a quand même 11 points. Il est pas veut tout plus mauvais, d'offense, ce gars-là. Mais, ben, c'est pas son offense. Diaz, c'est parce que c'est du quoi? Diaz a quand même 11 points. Fait, c'est pour ça que ça l'aide à être moins bas dans les plus. Il est scratché à soi, Diaz, je pas à soi. Diaz, hein, Diaz, j'ai toujours trouvé qu'il avait comme une bonne shot, mais il ne place pas sur le goal. Ben, Chris, non, mais il achète jamais et tout. Ben, il va quand même dans mais il y a une bonne Olympiques. Shot. Par exemple, quand tu le vois, je suis un super bon tir. Il y a meilleur tir. Tu vois, il est en avantage, il pourrait tirer. Il n'a jamais la confiance à tirer. Il va chercher la passe. Tout le temps chercher la passe. Là, je pense là, que ça serait le temps qu'on commence à lâcher là, les Suisses, là, tout ça, là, le style mode là, d'essayer de remplacer Strike, hey, tout ça. Là, Mark gars, Diaz, là, il va être quand même aux Olympiques. Ouais, ben c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix, Suisse, pas tabarnak. Team, hey, pour vrai. OK, ben d'abord, votre plus, là, on va passer au plus. Plus, ouais. Autre que Plekanec, parce qu'on lui a donné la coupe du mois de plus, décembre. Plus pour le mois de décembre qu'on parle, là. Ouais. Plus pour le mois de décembre, wow. C'est dur. Ah, moi, je vais donner un travail. On va donner à Gallagher. Gallagher, il joue tout le temps bien à tous les matchs. Il est tout le temps travaillant. Man. C'est un gars qui est tout le temps présent. Parce que pour vrai, il y a qui d'autre, là? Ben, je donnerais... Patrick Reddy. Je donnerais ton début, mais je veux travailler avec qui se présente tous les matchs. Moi, je vais rester avec mon plus. Je le donne à Price encore parce que, sérieusement, moi, je le plaçais comme... Sauf des games. Je le rankais dans 9-10 goalers, ce gars-là, sérieusement. Là. J'étais sûr qu'il allait avoir top la 5, saison de l'année prochaine, l'année passée. Puis vraiment, j'ai... Encore, c'est lui qui sauve les meubles. Ben, il reste, ben il reste souvent, affaire, c'est que pas plus un massacre. Tu regardes début décembre, là, jusqu'à la moitié de décembre à peu près, Price, le Canadien gagnait pas, puis Price maintenait une moyenne de but de 2. Ah oui. Il est tout le temps là, puis il permet à l'équipe de gagner. Attends, c'est bon choix. Il nous empêche d'avoir des carnages. Toi, Dave? Mon plus, j'irais peut-être avec Price, moi aussi. Je vais dire Price, moi aussi. En fait, les trois qu'on a dit tantôt qui n'étaient pas pour la Coupe du mois de décembre le mériteraient. Price, Dernay, puis. Dernay était bon, mais c'est parce que Dernay, il y a des. Ben, ils ont des up and down. C'est ça que j'aime moins. Price, c'est pas son top, là, au moins. Là. Son super but contre Nashville. Là. C'est-tu contre Nashville que ça avait fini, là, qui avait été la. Qui est content en prolongation. Overtime. Petite goal. Dans la lucarne, mon gars. Puis il a travaillé en Chris pour l'avoir, man. C'est tout lui. Il a enlevé le puck, man. Il arrive à un slap shot. Bang! Il s'est à bout partant, man. Eh oui, top corner. C'est slap, man. C'est cool, ça. Quel goal, man. Ça, je suis fier. Le but de Pacioretty contre Dallas, là, qui a fait dans le top corner, mon gars, là, c'était un Chris de beau goal. Ben non, mais Subban contre Dallas. Ah ouais, ça c'était fou. Là, la passe à la dernière, puis le but, là, c'était comme wow. Hey, j'avais l'impression de voir Disney en ice. C'est un hockey, man. C'est patinette tellement. Tu vois aller ici, contourner tout le monde. Mickey Mouse, c'était ça à la glace. Ah ouais, les Resident Brand, là. La grosse tête d'Aladin. Pour en finir avec. Tu parles du gars qui sort de la lampe, là. Le génie. Le génie. Le génie Bouchard. Oh! C'est juste pour vous mettre des images dans la tête. Elle est pas mal plus cute que le génie de la lampe. Hein? Tu peux demander au génie de ressembler à Eugénie. Eugénie, je t'aime. Je te dis qu'elle, faudrait pas que je lui demande trois vœux. Cabotinage de mon oncle ici. Là. C'est ta faute. C'est bien oui, okay, moi, si, moi, si Eugénie frotte la lampe, ça va être juste un vœu. Je vais prendre la pénalité pour le team, ça me dérange pas. Bouquet ouvert. Pour en finir avec 2013, j'aimerais qu'on fasse une petite évaluation de la direction, les gars. Ouais, ok. Thérien Bergevin en 2013, plus, moins, eux autres. Ben là, rien, plus. Il se passe rien. Plus. Là. C'est statu quo. Plus. Non, mais plus parce que je pense que 2013, là, regardez bien. Là. 2013, dans le fond, l'association avec le Canadien, puis Thérien, puis Bergevin a commencé en 2013 parce que. Ben 2012. Ouais, mais vraiment, il y a eu le lockout. Fait que, tu sais, je veux dire. Ça a vraiment commencé en 2013. T'sais. Non, mais le vrai, ouais, parce qu'on peut pas. On les a vus en action à partir de 2013. C'est ça. Ouais. Fait que, mais. Par exemple, il y a une affaire, moi, que j'aime moins de Thérien. Puis je veux pas chialer sur Thérien. Puis je trouve ça épais, les astuces d'affaires de genre fireterrien.com puis toute la patente. Mais il y a une affaire que j'aime pas de Thérien, c'est que son astuce de mentalité de on va compter trois. Avec trois buts, tu gagnes. Mais il a raison. Oui, il a raison. Mais astuce, le problème, c'est qu'avec trois buts, tu gagnes. T'arrêtes de jouer après. Ouais, mais c'est pas ça qu'il dit aux joueurs qu'arrêtez de jouer après trois buts. Ouais, mais la mentalité. C'est les joueurs qui le font. Ça, c'est les joueurs qui arrêtent ça. Non, mais ça donne la mentalité aux joueurs que, OK, on a trois buts, on est correct. Tu sais? Il y a un point sur Pacioretty avec qui j'étais d'accord, c'est que la meilleure attaque, là, la meilleure défense, c'est l'attaque, man. Puis tu sais, je veux dire, si t'as pas à rondelle, là, puis tu touches pas à rondelle, man, mais tu vas finir par te faire jouer. Parce que qu'est-ce que tu fais, là, c'est que t'as rien, dis pas qu'après trois buts, on joue défensif. C'est les joueurs qui sont non, moi, tu sais quoi, mon idée? Non, mais mon idée, moi, là-dessus, là, c'est que t'as rien tranquillement, pas vite, là. Je suis en train de me demander s'il est pas en train de perdre ses gars un peu, là. Là, moi, je pense qu'il est peut-être en train de perdre ses gars un petit peu parce que. À y voir la face mais qu'il les gars vont être dans la merde parce que là après, c'est pas après les gars le vont être obligés but. De suivre parce que Michel Therrien c'est l'homme de Bergevin puis Bergevin il crissera pas dehors à cause que les gars ça, sont c'est pas non non non c'est sûr fait que les gars sont bien mieux rentrés sur le pas mais parce mais qu'ils vont mais attends un peu Alex mais moi ce qui me fait dire ça là, c'est juste comme la game contre Caroline après 3-2 la face à Therrien là je pense pas que c'est le speech que lui donne dans les entraînements puis dans la chambre entre la 2 et la 3. Mais c'est vrai ça que le Canadien a fait dans cette game-là. Ils ont compté 3 crises de goal. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde a arrêté de jouer. Ils ont joué défensif. Ouais, non, mais non, que, tout le monde a arrêté de jouer. Parce que là, les avants, ils reculent. Jouer défensif ou arrêter de jouer, pour moi, ça revient au même. Parce que quand tu joues défensif, t'as pas la crise de rondelle. C'est ça le problème. C'est ça. C'est quand t'as pas la crise de rondelle que tu perds. Tu fais rien que domper, puis là, tu donnes la puck à l'autre, puis eux autres montent en attaque. Le système de Thérien, c'est de domper puis faire forecheck à deux puis après ça la chercher. Mais là, c'est ça. Là, c'est les joueurs, il faut qu'ils patinent pour aller la chercher. Ils vont pas. Fait que lui, le système de jeu, c'est ça. Tu dompes, va la chercher. Ouais. Les gars, ils patinent moins. Là, ils patinent pas, ils se donc, dompent pas à fond. À 3-0, la mentalité marche pas. Parce que si tu dis à tes joueurs de faire ça puis qu'ils ont pas le goût d'aller se risquer, ils feront pas. Mais là, c'est leur job à gagner des millions de pas avoir le goût. Mais c'était lui, le coach, il sert à quoi, man? Il sert à inculquer à tes joueurs une mentalité puis une façon de jouer, man. Ouais, mais les joueurs sont pas obligés de le respecter. Fait que c'est là qui ont pas le goût s'attendent d'avoir la tête d'un coach. C'est pour ça que j'ai commencé mon point en disant je veux pas donner toute la faute à Thérien, puis au contraire, j'adore Thérien, puis c'est un bon coach. Ben, moi, toujours l'aime, mais c'est parce que des fois Thérien, il fait chier. Il bench, comment il bench ce pas, gars-là? Des fois, il bench pas du monde qui devrait bencher. Bon, mais là, attends, il y a la politique là-dedans. Là, c'est ouais, du, mais c'est ça. Là, il y a ses chouchous, blablabla, puis tout ça. Pis, mais je veux dire, OK, Thérien, là, pour vrai, là, il y a juste une affaire, puis moi, je trouve ça dommage parce que l'équipe, dans le fond, ils suivent. C'est ce que ça fait demander, c'est il est-tu en train de perdre son vestiaire? Mais parce comment? Que tu sais, quand une équipe décide ben, de tuer un mais comment que ce gars-là peut perdre son vestiaire quand il a montré à l'équipe que s'il joue comme que lui, il leur dit de jouer, il gagne? Comment que les gars peuvent se retourner et dire bon ben Chris c'est style hein, puis il va perdre son vestiaire qu'à chaque en fois qu'il suit le système, ben, le Canadien gagne. En ayant des joueurs comme Pacioretty qui vont dire un peu ce que je pense, c'est que la meilleure défense, c'est l'attaque, puis si t'as pas rondelle, c'est pas positif. Quand tu te défends, là, hey, ça fait si tu touches pas de ça, ben après ça, ils ont eu le. Ouais, mais j'en reviens là-dessus parce que c'est un point qui fait que justement, tu peux peut-être perdre ta chambre quand t'as des joueurs qui vont penser de cette façon. Ouais, mais là, moi, je pense que le vestiaire, il y a une genre de petite gangrène poignée dedans. Là, parce que sérieusement, là. Ben justement, il y a deux questions dans le chat room par rapport à ça. Le monde nous demande si on pense que c'est la fin pour Thérien ou si la fin s'en vient. Non, c'est pas la fin. Ça va en prendre plus que ça parce que d'habitude, les équipes. Quelqu'un nous dit aussi que, comme à Pittsburgh, il semble d'avoir perdu son vestiaire. Non, ça sent la fin. Hey, ça, hey, c'est l'opinion des fans. Ah, ben, honnêtement, là, la fin pour Terrien, je peux pas croire qu'on parle de ça présentement. Le Canadien est troisième dans sa division, quatrième dans l'Est en points. Je peux pas croire qu'on parle que Terrien est sur le bord de se faire crisser dehors. Hey, tabarnak! Hey. Le Canadien est pas genre en train de se battre pour une place en série. Puis Jeff Mossu ne mettra pas dehors Bergevin, puis Bergevin ne mettra pas dehors Terrien. Ben là, ça serait Terrien qui paiera la note avant. Bergevin va mettre dehors Terrien. Ah, si ça va fucking mal, finit, on fait si pas les séries et tout. C'est ça. Wow. En dernier recours. Sinon, il va échanger les joueurs qui font pas un job. Hey, oubliez ça, Terrien qui s'en va, là, tout le monde. D'habitude, le DG va éclairer son coach quand le président le convoque. Non, mais quand lui est dans mal. Quand lui est dans mal. C'est ça. Exact. Pas dans la merde, il n'y a pas, aucune raison de mettre le monde dehors. Je te dis, là, avant que Terrien, il faudrait qu'il continue à être comme ça, l'équipe soit comme ça encore pendant un an de temps, quasiment et demi, pour se rendre à Noël dans deux pas ans. Pas comme ça, même, là, jouer comme ça, on est quatrième dans l'Est. On est quatrième, ouais, ça va pas mal. On joue mal, mais si ça va bien aller. Pourquoi tu te fais éclairer, il faut que tu manques les séries. Là, quand ça va mal, on parle juste de Terrien, mais on parle pas des coups un peu douteux de Bergevin. Paros, Murray, il a perdu. Bergevin, il a fait des mauvais coups. Ouais. Il en a fait des bons. Mais il en a fait des bons aussi. Ah, aussi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on va souvent focusser sur tout le temps ce qu'il n'y a pas de pause. Pour de vrai, George Parra, c'était un bon coup dans le temps qu'il l'a fait. Briand, c'était un bon coup dans le temps qu'il l'a fait. Sur OK, il y a des choses qui. Oh, ouais, mais gars, c'était un bon coup. Puis tout le monde était content. Briand, on reviendra sur le temps. Briand, tout le monde était content. À la place de Briand. Ben, non. Chris, avec la saison qu'il y a, c'est certain. Jagger voulait venir à Montréal. Non, fuck. Il utilise tout le temps Montréal pour faire monter les enchères, mais après, ça, il s'en va ailleurs. Non, il serait venu. C'est Montréal qui a pas voulu le prendre. Combien présentement, Jagger? 2 millions. 2 millions. Il gagne pas 4 millions par année. Il gagne 2. Il en gagne 2. On s'en apparaît tantôt. On pourrait avoir peut-être un autre joueur comme Briand. Ben, hier, je pense qu'il s'est fini à Montréal. Ouais. Ben, c'est moins ça en dehors. Ça marche pas, puis il est pas capable de jouer comme Michel. Briard est venu se ridiculiser à Montréal. Ben non, mais il est pas capable de suivre le style du coach. Ben c'est correct. Honnêtement, malgré le fait que je suis pas un fan, je peux pas mettre toute la faute sur Briard. Non. Non, parce que t'as rien, le coach, il l'aime pas. Il aime pas son mais style ça, de façon, jeu. On va en revenir. Il l'envoie d'un gradin. Il l'envoie d'un gradin. Je pensais qu'en 2014. Fait pas payer la note à bourre, Chris. Je pensais qu'en 2014, les périodes seraient plus longues, mais ça en va. Non, c'est pas de 20 minutes, mais ça écoute pas, là. Ça écoute pas. Tu dis rien. Excusez. Non, mais Chris, vous ne laissez pas parler, asti. Ben, sur ça, je veux vous dire qu'on s'en va faire une entraque et on vous revient pour la deuxième période. Ouais, mais là. On est de retour pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. Ouais, j'ai toujours la même intonation sur ça. Je t'avais d'MP enregistrer un MP3 que je vais jouer. Ouais, ah, les gars, bonne deuxième période. Let's go, boys! On se donne. C'est quoi, c'est à 24 ans, c'est juste juste à ça. Let's go, boys! Michel Terrien qui a fait une belle prestation dans le bye-bye d'ailleurs, dans la séquence d'ouverture. J'ai pas écouté. C'est non bon. Plus, j'ai pas écouté. Il m'a surpris. Ah, il était naturel. Il était naturel. Il a fait quoi? C'est tout. Il a fait le coach. Ah. C'est comme 24 CH quand le coach parle, mettons, au joueur avant la game. Il a fait coach Terrien. Okay, il a joué son rôle. Il a joué son rôle à 100%. Ils ont fait ça safe. Ouais, mais il était naturel. Il avait pas l'air de lire un texte. Comme, il avait pas l'air pogné comme Jacques Martin qui a tout le temps eu de l'air pogné de lire un nasty texte. Aujourd'hui, on va regarder les jeux. Jacques Martin, c'est vrai ça que je disais, calice. Ramène-moi pas cette affaire-là. Bien oui, monsieur Moyen. On va commencer la deuxième sur une question qui nous vient d'un autre podcast. Une question qui vient du dernier des podcasts qui veulent savoir le problème du CH, l'attaque ou la défensive? La défensive, puis l'attaque, les deux. All around. Moi, je dirais que c'est un gros mix. Ouais. All around, on est quand même quatrième. Ouais. C'est pas un si gros problème que ça veut dire. Non. Où les chiffres ne parlent pas comme il faut. En fait, c'est quoi le problème? Les chiffres ne reflètent pas la réalité. C'est la non-constance. Non, mais. Non, mais sérieusement. C'est la non-constance de l'attaque et la non-constance. Mais vous rappelez-vous, dans le gros, le pic, là, qu'on a fait 20, à 19 points sur une possibilité de 20. Là. Ouais, juste avant. Quand on regardait la caméra. Hey, on s'en rappelle, Alex. Là, rappelez-vous? C'était comme le meilleur moment de la série. C'était magique. Mais c'était tellement. Quand on regardait ces games-là, puis on mettait la caméra, on voyait toujours 5 joueurs. Tu sais, qui étaient tous en groupe. Maintenant, on voit plus ça. Les attaquants sont beaucoup trop en avant. Puis ils attendent trop en avant les passes. C'est vraiment, là, on joue plus en unité de 5. Je joue pas assez rapproché. Ouais, mais... Fait que c'est la défensive. Ouais, mais Alex, qu'est-ce qui marche? Des passes courtes, ça balette. Ben, c'est non, mais t'as les forwards, il faut qu'ils descendent. Il y a de quoi aussi? Pendant le mois de décembre, on a fait combien de points? Je sais pas, là, Dave. Sais-tu comment? Là, t'as parlé, 19, t'as parlé d'un bon mois. Ouais. Ben, en décembre, c'est 17 points qu'ils ont fait Montréal. Sur combien de games? Ouais, sur une possibilité. Sur, je me souviens plus, mais c'est 17 points. C'est une possibilité. OK, mais c'est ça. Je fais pas sur une possibilité. Non, mais on dit que ça a mal été. En plus, ça a très mal été, mais c'est 17 points qu'ils ont fait pendant le mois de décembre qui est pas si loin de 19 points. Ou par rapport à ça, Alex, je dis pas que c'est mauvais, mais on voit qu'il y a un problème. Mais c'est parce que c'est le différentiel. Là, on est à plus 11. Avant, on était à plus 34. Le Canadien joue quand même en haut de 500 depuis le début de la saison. C'est quand même pas plus. J'en veux parler. Non, mais Alex, ta question là-dessus, c'était pourquoi est-ce que le Canadien connaît une si mauvaise séquence malgré les victoires qu'on a vues dans le mois de décembre? Moi, c'est ça, je vois. Il joue plus en unité de 5. Puis c'est vraiment ça. L'attaque ne supporte plus la défense comme qu'il faisait. Moi, je pense que c'est la défensive qui est manquante. Là. Vraiment, on a un problème à la défensive. Parce ouais, que mais justement, vu qu'on n'est pas fort, les attaquants devraient descendre pour aider. Ouais, mais on accorde plus de buts. Ouais, mais vraiment c'est ça, plus, Alex, là. C'est le fond. Combien t'as de joueurs attaquants qu'ils ont un rôle défensif? Ben, je dis juste que depuis une coupe de game, tu regardes dans l'avant du net, ils sont tout le temps comme 3 ou 4. Sont parce plus que 5. Si tu prends là, en attaque là, le trio Plekanec, on s'entend-tu que leur mission première, c'est tout le temps le repli défensif? Là. Ouais, mais. Après ça, bon. C'est justement, ils font pas comme il faut. White, Moen, Bross, pas mal ça aussi. Après mais ça, ils font pas comme il faut. En attaque. Le trio qui joue en attaque, c'est Pacioretty, Desharnais puis Gallagher. Puis même là, le repli défensif, faut toujours que tu sois constant. Heller aussi, quand même, là, qui génère une bonne part d'attaque. Je là. Le sais, Marc, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un trio complet là, qui joue vraiment comme presque 100% attaque. Là. Ouais, c'est les gars qui grignent le net. Là. Ouais. C'est eux autres qui vont au net. Puis Pacioretty, c'est quand que ça y tente. Mais quand on est dans notre zone, justement, ces gars-là, ils attendent trop haut. Faut qu'ils descendent vers le net. Mais il y a des games, c'est bizarre parce que Pacioretty, il y a des games qu'on dirait il ne tire pas beaucoup au but. Il est pas présent, puis il y a des games, quand il tire beaucoup au but, ben boum, il fait des buts. C'est ça qui arrive. Tu sais, c'est bizarre. Ça, je sais pas c'est quoi qui ça marche quand ça y tente. Ouais, un peu, ouais. Ça, c'est une statistique qui est tellement vraie. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus quand, de tir, plus de buts, moins de tir, moins de buts. Quand tu tires au but, t'as plus de chance de compter. Non, non, non. Non, mais c'est ça. Non, non, non. Je veux que ce soit gris ma pierre à ton base. T'as plus de chance de marquer quand tu tires. Non, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Pacioretty, il y a des soirs que aucun tir au but, puis c'est un gars en moyenne qui va tirer quand même. Ben, pas, peut-être arrivé. Pas aucun, mais tu sais. Quand je parle aucun, je vais dire un ou deux, là. D'une soirée, okay, on moi j'avais vu dit Pacioretty. Trois, c'était pas assez, c'était trop pour non, ça, voilà, lui, c'est là, un ou deux. Parce qu'on jouera pas sur un, là, mais. Ben, non, moi, je vais jouer sur un. En tout cas, mon point, moi, c'est que le repli défensif est pas fait comme il faut. Je trouve que c'est là le problème. Puis justement, quand on s'est fait compter 4 buts sans réponse, c'est là le problème. Les défenseurs, premièrement, ils jouent trop reculé. Tout le monde, puis les attaquants, le gap entre les défenseurs et les attaquants est rendu trop grand. Ben, là, c'est. C'est ça, faut améliorer. Il donne la ligne bleue dans le fond. Ben, là. C'est ça, là, il laisse rentrer les gars. Ben, puis c'est ça. Autres, les défenseurs jouent trop reculons. Ouais, ben, tu veux ouvrir ta bière, vas-y. Non, c'est dit. Pourquoi t'attends? Hey, tu veux-tu qu'on te mette même un peu de reverb dedans? Non. 4 buts sans réponse. Ah, Chris, il n'y a pas de. Ah, ouais, peut-être. Bon, ben, hey, on était sur Pacioretty. Qu'est-ce que vous pensez des rumeurs de transactions là, qui circulent par rapport à Pacioretty? Eh, bonne! La rumeur ou la vieille? Hey, okay. Si, il y a une rumeur qui court. Si on a l'intention d'aller chercher un gros joueur, Pacioretty, c'est le temps de trader parce qu'il score au bout. Je veux dire, t'échanges pas un joueur quand il va mal. Tu l'échanges quand il va bien. Mart, ouais, mais ils l'échangeront pas. Je sais qu'ils l'échangeront pas. Tu n'échanges pas Pacioretty parce que chaque équipe de la ligue se cherche des joueurs de Pacioretty. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est sur le marché. Pourquoi s'échanger Pacioretty? Non, mais c'est pour ça qu'ils disent qu'il est sur le marché. Tu vas chercher un joueur qui a des skills, admettons, je sais pas. Admettons, non, non, non, pas équivalent. Non, c'est du quoi? Qui? Tu peux aller chercher, admettons, OK, juste pour le fun de même, OK, je vais dire un nom. Non. Ah, ça serait malade, mais il marche trop bien. OK, mais non, genre de Rick Nash. Non. Je le prends pas. Ouais, mais un Rick Nash qui marche pas partout à New York, tu l'amènes à Montréal. Il marche à tu New York. Tu prends-tu la chance? Ouais, mais je prendrais pas. Ah non, mais attends un peu. Les dernières games, il marchait. Ouais, mais New York, ils sont creux dans la cave en hostie. Là. Ça va pas bien, New York. Là. C'est pas mais fou. La seule raison pourquoi que c'est rumeur. Ils sont pas dans la cave, excusez, là, mais ça va pas. La seule raison pourquoi c'est rumeur, parce que les autres équipes, ils demandent s'ils peuvent l'avoir. C'est juste ça. Là. T'es un DG d'une autre c'est équipe. C'est normal. J'appellerais. Tu regardes les joueurs qui performent dans la ligue, puis Pacioretty est dans les top. Qui performe présentement. Ouais, fait il c'est fait, sûr, ouais, mais là, il fait Team USA. Vous allez voir, là, il va super bien. Tu échanges jamais un joueur. Ben, c'est, ouais, mais c'est du quoi? C'est là que tu peux avoir des offres intéressantes des autres équipes. Tu t'envoies. T'envoies des gars qui marchent pas, que les autres vont se débarrasser. Mais c'est sûr que tu vas avoir des offres intéressantes. Tout le monde se cherche un joueur de genre-là. Quand t'en as un, tu le gardes, Calis. Ouais, mais tu vas chercher un def, admettons. Ben, je veux pas un def. Je veux pas un def, j'ai besoin de but. Chris, un def, on a besoin. Oui, mais c'est parce que. Moi, mais j'ai besoin de but en même temps. C'est ça le problème à Montréal, Mart. C'est qu'on n'est pas capable d'attendre. On veut un def pour tout de suite. Ben, moi, ce que on n'est pas dire, capable par d'attendre un état. Ouais. On va avoir un bon def, mais les buts vont descendre. Ouais, on ne comptera plus pourquoi, le but. Pourquoi qu'on n'attend pas? On ne garde pas Patcherity et qu'on n'attend pas un Nathan Beaulieu et un Tenordi qui vont s'en venir dans 2-3 ans maximum et qui vont être probablement d'accord. Des bons défenseurs. Non, non, c'est ça. À Montréal, non, il n'y a pas de patience. C'est la coupe cette année. Oh, calme-toi, prends ton gaz. Là, sérieusement, là. Je dis pas que je veux... Mon gaz, ce soir, c'est une drive. Bon, OK, parfait. OK. Je dis pas que je veux échanger Pacioretty. Je dis, s'il y a un moment pour l'échanger, ça serait là parce que c'est là qu'il performe. T'échanges pas un joueur qui est dans la cave puis il score pas puis les autres équipes, ils veulent la rien savoir. La seule raison pourquoi j'accepterais un échange Pacioretty, c'est s'il y a une autre équipe qui est assez folle ou stupide pour me donner quelque chose qui est vraiment comme out there. Là. Ouais, mais là, il faudrait que ça soit vraiment. Ben pourquoi pas? Parce que tout le monde dit, ah, Pacioretty contre les Vander Kane. Montréal. Pacioretty contre Rick Nash. Non, je le prends. Est-ce que je sache, là, Montréal, là. En passant, là, les Rangers sont encore dans la course pour les séries. Ouais, ils sont dans la course, mais ça va mal. Ils ont un différentiel de moins. Ils sont pourris. Mais à valeur égale, je ne prendrais pas Pacioretty contre un autre joueur qui serait égal. Non. Je le garderai à Montréal. Ça prend quelque chose de bien mieux, man. Ça me prend. Comment. Un Ryan Getzlaf. Pourquoi ça arriverait ça, Alex, pas? Ça, parce Alex, que... c'est un petit peu utopique ce que t'as dit. Quelque chose de bien mieux, ça marche pas. Ben, Ryan Getzlaf. Tu peux pas aller chercher. Ben, tu sais, personne ne changerait ça. Mais ben, ça, personne ne changerait ça. C'est pas personne équipe qui va te donner mieux. Quelle équipe va dire, ah, regarde, je vais te prendre Pacioretty. Prends mes bons joueurs. Te mieux. Ouais, c'est ça. C'est gars, ça a aucun sens. Montréal, ils l'ont fait avec Patrick Roy. Ouais, t'as échangé le meilleur goaler du circuit. T'as vu que contre Steve Valérie Kamensky, Chris, puis deux hosties de jambon. On a eu Mike King. Non, ben non, t'es malade. Ça, on a pas eu Mike King là-dedans. Ça, Mike King était à Montréal. Ça, c'est quand Roy est allé voir Tremblay. Non, on a échangé Mike King avec Patrick Roy contre Valérie. Non. Contre Valérie Kamensky. Valérie Kamensky n'a pas joué pour le Canadien. Ouais, c'est ça. Oui. Eh non. Oui, Asti. Non. Google. On a pris. Chris, c'était quoi son nom, man? Il a joué une couple de matchs. Puis, bon, t'as cherché Justin. Trois Asti Jackstrap. Justin Thibault, man. Lui, c'est le pire trade de l'histoire, man. Qui? Pat Jablonski, Calis. Ouais. On a eu Valérie Kamensky. Pas Valérie Kamensky. Valérie Kamensky a pas joué pour Montréal. Jamais, tu te trompes. Là, ça se peut pas. Je te dis, tu te trompes, man. Valérie Kamensky, numéro 13, pas joué pour toi, tu te mélanges pour Valérie Burie. C'est Jocelyn Thibault, Martin Rutschinski, puis André Kovalenko. Ah, Kovalenko! C'est ça, André Kovalenko. Wow, Rutschinski, il joue pour les Nordiques. Numéro 26. Roy a été changé avec son coéquipier Mike King. Avec ça, Mikey. Sûrement qu'il est allé voir Tremblay puis il a dit... La paye Chris de Trey. Train me right fucking now. Il a dit live sur le banc. Il a dit ça sur le banc. T'as dit au président d'aller voir. Il a fait un clin d'œil. Il est allé voir Ronald Coré. Non, il a pas dit ça. Il a dit... À soir, c'était ma dernière game à Montréal. Ouais, c'est ça vraiment qu'il s'est dit. C'est ça qu'il a dit. C'était ma dernière game à Montréal. Coré shakeait sur son banc, c'est-tu. Ah, c'est pareil qu'il y a eu un pet sauce. Ah, il y a eu un combo aussi. Ah, mais avez-vous vu un puppy et un caca? Juste revenir. Ce banc-là vaut cher en Chris aujourd'hui. Ou il est dans la salle de cinéma. Je vais juste revenir. Les Rangers, avez-vous entendu Alain Vigneault qui a dit que j'avais écouté une vidéo de ses joueurs? Il dit j'ai écouté aucune vidéo des joueurs avant que je me présente pour coacher l'équipe. Je me suis fié à mes instincts. Et ça moi. Va pas hey, d'après moi, ça c'est l'ancienne école. D'après moi, c'est plus fier à ses intestins. On voit que ses instincts, ben, c'est de la merde. Voilà. Il dit, je connais pas les gars, j'ai pas écouté la vidéo. Moi, je me suis fié à mes instincts pendant le camp d'entraînement. Puis c'est ça, c'est comme, dude, what the fuck. C'est pour ça qu'ils font gauler le gardien recrue. Là. Je sais pas quoi son nom. C'est Talbot, Cam Talbot. Cam Talbot. Il n'y a pas de saison, il est bon, mais. Oui, Chris, il performe plus que Lundqvist. C'est comme Jones, ici. Puis Lundqvist, qu'est-ce qu'il vient? Il vient de signer son contrat, son super contrat de fou. Il n'y a pas de défensif. Ouais, mais c'est quand même un nasty de gardien de but, là. Il est bon dans le bas du filet. Il est écœurant, mais il n'y a pas de team en avant de lui. C'est un des meilleurs avec ses pads, man, puis ses mouvements latéraux. Ouais, mais c'est quand même un nasty. Overall, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs de la ligue, là. C'est juste qu'il est. Il y a un team de ce gars-là, il a pas juste les cheveux fournis. Là. Il a des beaux yeux bleus. Il ressemble à Alex. Il t'en ressemble un peu, Alex. Hey, merci. Je suis à toi, t'es pas beau, là, mais je veux dire, vous ressemblez. J'ai dit que je suis beau. Comment il me ressemble d'abord? Il a des beaux yeux. C'est un beau grand garçon comme toi. Toi, Jeff, je te regarde, on dirait que t'as quelque chose à dire. J'ai de quoi à dire. Moi, je vous amène sur un autre sujet parce que c'est maintenant le temps de crever l'abcès avec une question de Jeff Mallette qui veut savoir on fait quoi avec Benoît Brière. Daniel Brière, excusez. Benoît Brière. Brian Brière, on le laisse dans 30 vies. Là, oh, ouais, il joue-tu dans 30 vies? T'as peu, ouais, moi, c'est, un nouveau prof. C'est quoi qu'il dit dans son annonce? Moi, je suis un... En tout cas, arrangez-vous avec ça. Ouais, genre, en tout cas... Avec une phase de satisfaction. Là. Je vais essayer de le mettre en son audio par-dessus, peut-être. Là. Ah, ça serait. Mais on fait quoi bon. Avec Brière? Là? Brière qui est dans les mauvaises grâces entraîneur, je pense. Bon, ben, moi, Brière, ah, ouais. Dans le fond... Je pense que c'est fini à mon ben, dans le fond, moi, Brière, je dis que, tu sais, la télévision, c'est pas pour lui. Qu'il retourne au théâtre. Ton père, qu'est-ce qu'il a dit, Subriel? Ton père, là, qu'est-ce qu'il dit, Subriel? C'est un site. On veut tout le savoir, Marc. Si pendant moi, les fêtes, tu as dû y mon parler. Mon père m'avait donné un stick de l'espoir ouais. À penser à lui. Puis finalement, là, dans les fêtes, il m'a dit que c'était une vraie honte. Non, ben écoute, je pense que c'est une vraie honte. C'est trois gars là? Bon, ben lui, il compte pour trois gars de côté à de la honte. Non, mais je pense que. Mais c'est terminé en mauvaise grâce. Puis je trouve ça un peu plate parce que. Il n'a jamais il a eu sa chance. Pis... C'est le seul joueur qui a bougé de plus ben, haut. Ça, c'est le commandant qui revient souvent, c'est qu'il n'a pas eu sa chance. Tabarnak, parce que... le gars, je m'excuse, là, mais nommez-moi un gars dans la Ligue nationale qui joue en bas de 10 minutes par game, qui va performer, puis vous n'en trouverez pas un calice. Là, parce que ça existe ben, pas. First, première ouais. Erreur, là, c'est que Brière, faut que tu le fasses jouer au centre. Tu le fais pas jouer à l'aile. C'est pas un gars pour jouer à l'aile. Regarde, il a joué à l'aile. Il savait quand il s'en venait à Montréal que je jouais à l'aile droite. Mais il a joué à l'aile gauche. Il a joué à l'aile où? Il a joué à l'aile à Philadelphie. Puis plus ça allait, moins il performait. Ben ouais. Fait que c'est la puis preuve le que plus gros de sa carrière, mais il savait qu'il s'en venait ici. C'est un centre, Patin, Brière. Ils ont dit, man. Ouais. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est que. Il a accepté. Là, il Brière n'est pas fait pour aller sur le bord de quand banque. Sont Brière, ouais, là, quand sont allés chercher Brière, là. Quand sont allés chercher Brière, là. On s'entend-tu que ton coach puis ton DG, faut qu'ils se parlent? Puis si ton DG te dit, t'as-tu besoin d'un gars comme Brière, puis que ton coach te dit oui, puis tu vas le chercher, mais t'as pas besoin de la place. Pas tout le temps. Peut-être le DG de Brière. Bergevin est allé chercher Brière. Si tu trouves pas de place, t'en as pas besoin. Bergevin est allé chercher Brière parce qu'il n'y avait pas le choix d'aller signer quelqu'un. Il fallait quelqu'un, puis c'est le seul hostile nom qui pouvait signer. Avec tous les moves, avec tous les moves qu'il a fait depuis le début, puis tout, je pense pas que Bergevin c'était il était pas besoin. Oui. Ben oui. Non, je pense pas. Oui, mais il avait pas le choix, paraît, c'était okay. Ça. C'était il était comme obligé non, de le faire. C'était un move comme désespéré. Deux rumeurs, paraît que Michel Therrien a rencontré Bergevin, puis il a dit Michel Therrien a dit à Bergevin que il n'y a pas de place pour Daniel Brière. Même s'il joue à soir, il dit qu'il n'y aura jamais de place pour Daniel Brière sur mon parce équipe. Parce qu'il l'aime pas. Mais Therrien, il n'aime pas la façon qu'il joue. Il n'aime pas Brière. Moi non plus, je n'aime pas de... la façon pas qu'il joue. Pas Brière. Il n'aime pas. T'aimes pas la façon qu'il joue. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas montré ce qu'il est capable de faire. J'ai jamais aimé Brière, man. Tu ne me vendras pas Brière à soir. Calis, je ne l'ai jamais aimé, man. Ouais, mais moi, hein. Je suis tout à fait d'accord avec moi. Pour, de vrai, pour une fois. Mais. Mon Dieu, première fois 2014, on a une note. Ouais, mais c'est parce que c'est le premier épisode. Non, mais. Excusez-nous, là. Dans le fond, là, c'est parce que. C'est pas que Michel Therrien, il aime pas Daniel Brière en tant que personne. Il aime pas sa, la façon qu'il joue. Pas son style de jeu. Puis, gars, ça passera pas. J'essaie pas de défendre Brière. Ce que je dis, c'est que. T'essaies de le défendre, t'es bandé Brière. Tu veux donner une chance. Tu veux donner une chance. Je suis bandé Brière comme toi, t'es bandé John Scott. Est-ce que avec un but en saison? En plus, on en parle de John Scott. Attendez ça, attendez. Pas trop vite ces nouvelles. J'essaie pas de défendre Brière. Ce que je dis, c'est que. Tu le défends. Tu peux pas. Hey, Mart, au pire, ferme ta gueule. Ce que je dis, c'est que tu peux pas le juger sur qu'est-ce qu'il a fait avec le Canadien parce qu'il a pas eu de vrai chance. Mais on s'en débarrasse. Moi, je juge ce qu'il a fait en carrière. Oui, pourquoi? Parce que présentement, il fait aucune différence avec. Puis il aura pas. Mais l'équipe gagne quand même. Il aura pas sa chance avec Montréal. Puis il peut pas rien dire parce que l'équipe gagne. Mais Dave, tu m'as fait noter Brière avec Heller et Galchenyuk. T'avais-tu un point à dire là-dessus? Oui, j'avais un point par rapport à ça. J'avais une dernière chose à dire. Il a été deux games, je pense, avec Heller et Galchenyuk. La première game, ça. Ta gueule. La première game. On touche une corde sensible avec Brière et Dave. La première game, il a bien joué. Puis la deuxième game, esti, il l'a presque pas fait jouer. Moi, je m'excuse, mais ça, parce c'est parce qu'il n'y a pas qu'il y ait pénalité pour tripping dans la zone offensive. C'est juste une preuve qu'il veut pas y donner sa chance. Y a-tu pogné pénalité? Puis je le défends pas. Je m'en calisse. Y a-tu pogné pénalité? Y a-tu fait son back? Ah, c'est back vrai, check, Alex. Il n'y a pas un autre astuce joueur qui a pogné des mauvaises pénalités. Dans la zone offensive, ouais. Ouais, c'est deux poids, deux mesures. Quand ça fait 4 minutes, à Montréal, Therrien, c'est deux poids, deux mesures. Il y a des joueurs qui leur donnent des chances comme ils en voudront, man. Puis Brière, il n'y en aura pas. Mais s'il travaille, c'est parce que Brière. Ta gueule, man. Dernier, il n'y a pas eu. Hey, sérieusement, le Brière, là, Chris, là, c'est un petit veau de lait, c'est le seul joueur du Canadien là, qui mérite autant de se faire bencher que n'importe quel autre joueur qui a pas tabarnak, prouvé. C'est-tu quoi? Je donne bien plus de glace à Bournival, Sti, qu'à ouais, Brière. Ouais, hein. Oui, je suis d'accord avec ça à 100%. Mais Dernier, il l'a eu en tabarnak, sa chance, plus qu'une fois, hein. Il a répondu, mais il a saisi dernièrement. Tabarnak, il joue pas le même temps de d'accord. Moi, je pense qu'il y avait un petit chose arriver. Dernier, il a joué sur le quatrième trio. Moi, ouais, tout ce que je dis, c'est que tu peux pas évaluer le gars avec le temps de glace, c'est ce que tu lui donnes. Fait qu'on échange-tu Brière? Oui. On échange-tu ton Villeléno à Buffalo? D'après moi, Dave, Brière, il ferait un petit bout caqué. Dans le chat, on compare ça à la fois qu'Alex Tanguy est venu jouer avec le Canadien. Non, il a été bon Tanguy. Hey, Tanguy. Il y avait un autre rôle. Excuse, mais Tanguy a fait des moves pas mal plus impressionnants que Brière. Oui. Il était bon, c'est mis en jeu. Mais pas avec ça, c'était un asti de passeur, Tanguy. C'est un asti de playmaker. Je déteste Tanguy. Je l'aime pas comme joueur, mais Chris, il était pas mal plus. Il est meilleur que Brière. Oui. Oui, oui. Puis Camilleri, Camilleri était bien plus fou. Je veux dire, à Montréal. Si tu compares carrière pour carrière, il est pas meilleur, mais à Montréal. Tout le monde a été plus fou que Brière, là. À part Gomez. Brière, là, c'est un Gomez numéro 2, man. Non, pas à ce point-là. On peut bûcher sur le gars, mais on peut pas dire ça. Mais c'est quoi? Brière, Gomez, Desharnais, je mets ça un petit peu dans le même genre de paire. Desharnais, Gomez, là, Gomez, ça jouait combien de minutes par game? Beaucoup trop. C'est ça. Brière, ah ouais. Il en joue même pas 10. Fait que ça se compare 0. Ça, je suis d'accord avec Dave pour dire qu'il n'y a pas de temps de jeu pour se rapprocher. Il n'y a reprendre. Pas de temps de jeu, mais c'est-tu quoi? Il nous mais donne si... rien, calice. Mais si tu donnes pas mais il n'y a pas la chance de se rapprocher. Ah non. Je suis d'accord avec Dave. Il faut que tu t'en débarrasses parce que tu ne veux pas lui donner son temps de glace. Fait que tant qu'il n'a pas lui donné de temps de glace, tabarnak, crisse-moi ça à l'autre bout de la. Mais c'est quoi? Si Buffalo nous donne Villeléno, on le prend-tu? Brière, OK, là. Quand t'es sur la glace, là, bouge tes hosties de pied, man. Il bouge pas ses pieds. Non, parce que moi, c'est ça. Il est deux pieds pris dans le ciment, il bouge pas. Je vois qu'est-ce que Michel n'aime pas. C'est que, mettons, il pogne une pénalité, puis après ça, il revient pas. Tu sais, il patine pas assez. Il bouge pas assez combatif, puis Michel veille. Il est stoppé, man, sa patine. Il y a ça, c'est pour ça qu'il bouge. Ça, je suis d'accord avec ça. Tout ce que je dis, c'est que le gars, il a pas de temps de glace. Il a pas la chance de se démontrer. Mais tout dans le temps de glace. Si tu lui donnes pas son temps de glace. T'en as pas de besoin. Dans le temps de glace qu'il y a aussi, dans le temps de glace qu'il y a, dans 5 minutes, si tu joues 5 minutes par match, pendant 5 minutes-là, débat-toi comme un diable dans l'eau bénite. Nomme-moi un joueur dans la Ligue nationale là, qui va te dire genre, ah, moi j'ai besoin de 5 minutes par game avec n'importe quel joueur. Qu'il a besoin de 5 minutes. Je vais faire tout. Mais dans 5 minutes que je te donne, montre-moi que tu débats et t'es en crise. Montre-moi que tu cares. Mets-moi Brière là, sur la deuxième ligne offensive, sans te voir là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui va se passer? Fuck all, man. Fuck all. T'étais devin, toi? Ouais. Ben, peut-être okay, dire. Regardez son hockey style, là. Ça, on y en donnerait une. Il est bien mieux, Steve, de tout faire qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que, pour de vrai, il donne, mettons, un peu de temps de glace. Il a donné du power play au début. Il en a donné du power play. Il n'y a rien qui s'est passé. Au début, il en a donné pas mal. On est rendu à combien de games, là? 41. Ben, il en a donné pendant les 20-25 premiers matchs. Il en a donné des chances, là. Là, il est rendu qu'il est benché ou joue au quatrième trio. En tout cas, moi, il est là, sérieusement. Là, fait que pendant 5 minutes, joue, Chris. De ce qu'on a vu de Brière à date, là, absolument rien de convaincant. On a vu les Sparks, mais il n'y a pas eu de. Il y a de des constance. Sparks, mais c'est-tu quoi? On a quoi de but au bout des Sparks? On n'a rien, man. Puis c'est-tu quoi? Desharnais, il a fallu qu'il défende sa place. Il s'est fait juger, maltraiter encore, c'est-tu bien pire que Brière. Puis il a réussi à tirer son épingle du jeu pareil. Ouais. Sur ça, on a fini la deuxième période. Il joue avec Patrick et Gallagher. Il me reste deux, trois petits points qu'on va passer. Trois rapidement. Trois rapidement. Ben, les deux buts refusés par les Panthers. OK, il y en a un qui aurait dû être refusé, l'autre. Moi, non. J'ai pas vu cette game-là. Moi, si là, j'ai manqué. Il y a un but qui aurait dû être refusé. L'autre, qu'on s'est fait pousser dans le net, là, sur le goaler. Fuck you. Il y a un des deux buts, ça devait être Desharnais. Non, Galchenyuk qui s'est fait rentrer dedans. Je m'excuse, mais il était pas ce but-là. Tabarnak, esti, s'est fait taquer dans le dos. Je m'excuse, mais. Le premier, ouais, je suis d'accord. Ben, le deuxième, fuck you. Il avait raison d'être refusé, mais le deuxième. J'ai manqué cette game-là, j'étais dans l'Ouest. Puis je m'en rappelle plus, mais. Petit commentaire sur les matchs de l'Ouest. J'ai pogné un match Oilers-Calgary. C'est bon, hein? T'es de la calisse de marde. Ah, c'est qu'ils sont pourris, calisse. C'est les Oilers. Ah, c'est dégueulasse. Ah, les Oilers sont dégueulasses. C'était épouvantable. Je pensais que j'écoutais une game de Pee-Wee. Hey, Mart, les Flames aussi. Ouais, ben, non, les Flames sont meilleurs que les Oilers. C'est une rivalité de l'Alberta. Ils sont très mauvais. Non, mais les gars, c'est comme supposé Québec-Montréal. Tu sais, c'est deux villes de Montréal. Ouais, mais c'est parce qu'il y a rien qui se passe. Il y a pas de bidon. À CBC en anglais, souvent, ils vont privilégier les games d'Ottawa ou Toronto bien avant Montréal, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs de Montréal qui jouaient, puis c'était tout le temps Ottawa-Toronto qu'on voyait. Et Don Cherry, évidemment. Ouais, c'est sûr, parce que là, t'es en dehors du Québec. Là. Tu vois juste son sucre. Parce que Don Cherry, c'est là qu'il pogne à Toronto. Et t'es de carré. Partout au Canada, man, d'un cowboy. Ils sont tellement des fans. Hockey Night in Canada, je pourrais écouter ça quand... C'est tellement des fans de Toronto. À chaque fois qu'ils montent, moi, j'ai plus le câble. C'est la seule game du Canadien check. C'est sur genre CBC, man, le samedi soir. T'as plus le câble et t'écoutes pas le hockey. Ah, ben je l'écoute sur Internet. Oh. Un connaisseur. On vous donnera nos adresses. T'es un grand connaisseur, je t'admire. Hey, CBC, c'est le fun. J'aime le show, moi, par exemple. Ouais, les commentaires sont bons. Est-ce que c'est la fin pour George Parros à Montréal aussi? Non. Il est allé voir un docteur pour les commotions. Est-ce que c'est la fin dans le sens? On va-tu le signer l'année prochaine? Non. Non. Est-ce qu'il va jouer d'ici la fin de la saison? Oui. Pas probablement. Quoi. Ouais, il va jouer, mais. Il y avait fuck, une petite fuck nouvelle George sur Parros. George Parros qui s'est apparemment se met au français présentement. Il est en train d'apprendre le français. Ouais, c'est. Ben, dans Parros, les 4 ans, CH, on l'a vu, lui. Ben, Parros, lui, qui est les même... jeunes dans la classe. Ça va lui donner grand-chose en calice, hein? Il est quand même pas n'importe qui, Parros. C'est quand même un diplôme de Princeton en économie. Bon, mais c'est, ah, mais c'est justement qu'il s'en aide en économie, calice. Non, mais avez-vous l'épisode de 24h CH que Jeff Molson y arrive, puis on vous donne des cours en français, puis tout le monde t'est invité à y aller. Non, je puis après ça, tu vois le monde qui sont allés au cours de français. Il y a Parros, il y a une couple de jeunes, mais toutes les raisons. Ben, Gianto, il ressort sûrement pas. Non, ils sont pas là. Ouais, mais Gianto, il ressent un an. Il sent calice. Justement, Gianto. Puis tu veux, Gianto, ils l'ont jamais écœuré avec le français comme il a écœuré Koivu. Ah, mais là, il a pas été capitaine aussi. Mais il a dit bonjour. Bonjour. Hey, t'as juste besoin Koivu, de dire il a jamais merci dit beaucoup. Bonjour. Mais Koivu, il a jamais dit merci beaucoup. Je pense pas que ça se compare, Mart. Oui, non, Koivu, il a jamais dit un mot en français. Oui, il y a une année. Il y a une année qui a présenté tous les joueurs de son équipe en français, la première game. Il a dit « Je vous présente les joueurs de mon équipe. » C'était pas lui, c'était ça? Gianta, oui. Je pense. C'était Gianta. Non, ça. C'était Koivu qui a fait Koivu. Ça. Koivu l'a fait une fois, il l'a fait c'était... sa pression des médias, je te dis. Oh, fucking Gianta, way, il a fait mais ça. Là, on parle de Gianta. Il y a pas longtemps. Là. Êtes-vous tanné de Gianta, non. Vous autres? Non. Mais Gianta, c'est fini, là. Il fait pas mal, mais gars, sa dernière année, il s'est fait pas rien possible. Non, mais il est pas mauvais, il est pas bon. Brière, c'est fini. Le Canadien, c'est fini, ça. Je dis pas que le Canadien est fini, mais Gianta. Alors, mais Gianta, ça re-signe pas à Montréal. Hey, ben oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on moi, je pense que le plan Bergevin, c'est bâtir sa jeunesse. Avec une coupe de bons vétérans. Hey, on est encore sur le plan quinquennal. Non, mais non, il n'y a pas de plan quinquennal. Ouais, c'est mais... ça, on a lâché le plan quinquennal. Là, c'est rendu le plan Bergevin. Ça, c'est un peu comme le plan Nord. Les Blackhawks ont gagné. Les Blackhawks ont gagné la Coupe Stanley. Les Blackhawks, les dernières équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, c'est tout avec la jeunesse. Ils ont pas... C'est pas à cause des trades. Ah ouais, mais c'est avec des first picks. La jeunesse de Patrick Kane puis Jonathan Tate. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur à Montréal. On peut pas finir dernier pour avoir ton first pick parce que le monde va clincher. Puis en même temps, il faut que tu bâtisses sa jeunesse parce que tu Montréal sais que c'est ça pour gagner la coupe. Montréal a jamais accepté de finir dernier. Fait que là, Trevor Timmins, il faut qu'il fasse une assez bonne job pour pogner un second pick qui est un first pick. Ben, il l'a fait. Souben, c'est quoi? C'est un troisième round, genre, Souben? Markov, je pense que c'est un genre cinquième pick. Ouais, mais ça, je pense pas que c'est les choses qu'il a repéré. Je pense pas que c'est Timmins qui l'a repéré chez ça. Oui, oui, oui. Dernier point avant. Timmins, il a repéré un assez bout, là. On a une question du public de Nick Chalifou qui veut savoir est-ce que le Canadien va bouger d'ici la date limite des transactions et puis c'est quoi notre besoin? Peut-être. Je pense qu'on va aller pour un forward. Moi, j'irais pour un attaque. Ouais, ils vont aller pour un forward. Je pense que la défense sont assez contents avec ce qu'ils ont. Malgré si qu'on a plein de sixième défenseurs. Moi, je suis d'accord, mais je pense qu'on est content. Trou, ils iront pas parce qu'on a trop de jeunesse en arrière encore. C'est ça, moi, je pense aussi. Fait que je pense qu'on va aller pour un forward. À moins que tu y ailles pour un emprunt d'un an. Mais sauf que tu vas aller ouais, chercher un tu vas pas faire la Coupe Stanley, tu vas pas faire un emprunt d'un an. Mais la seule fois qu'on fait un emprunt, c'est un club sans millions. Tu vas faire un emprunt si tu t'en vas pour la Coupe. Si Ben se blesse. Non, si tu t'en vas pour la Coupe. Non, mais pas en défense. En défense, on est très bon. La seule fois que tu fais un emprunt en défense, c'est quand tu veux un shot au power play. Puis c'est juste ça qu'on a fait. C'est quand t'as besoin d'un shot au power play, Subban est blessé, Markov est blessé. Pourquoi tu irais chercher un. Ben c'est là qu'il faut un emprunt. Ouais, mais si tu vas faire un emprunt à défense puis que t'aspires pas à coupe. Hey là, arrêtez de parler d'emprunt. Si je me créerais à la banque. Fait que ça va être un forward. Ça va être un forward. Ben moi, je vais te répondre à ta question. Je te dirais, moi, je prendrais un def. Parce qu'on a besoin d'un troisième gars. Non, on a besoin d'un gars pour relancer l'attaque. Quelqu'un qui passe bien le puck. Qui fait la première passe puis qui sort bien sa zone. Parce que si tu claires ta zone rapidement. On a déjà de ça, mais on a trois qui sont bons là-dedans. Ouais, Emeline est bon, Subban, Markov. Ouais, on a trois, mais c'est pas assez. Non, mais il est bon dans les sorties de zone. Ouais, mais en principe, là, il est pas. Puis Diaz, tout est bon dans les sorties de zone. Alex, trois, c'est pas assez. Ça prend. Diaz, tout est bon. Mais là, tu peux avoir deux défenseurs moyens. Ça prend quelqu'un de safe qui est safe ça dans prend sa des zone. Buts, Chris. Non, ça prend quelqu'un de safe dans sa zone, quelqu'un qui est capable de sortir le puck. Si t'as une bonne relance d'attaque, t'es capable de générer. C'est bien beau sortir la puck si t'es pas capable de la mettre dans le net. Ce que tu parles, c'est un top défenseur de la ligue. Ben, on pourrait pas avoir un top. Weber, ça, c'est quoi? On n'ira pas chercher un top défenseur de la ligue. Là, jamais, man. Je parle pas d'un top défenseur. Ben, je parle de quelqu'un qui est capable de faire des belles sorties de zone, Asti, puis qui est capable de jouer défensif, d'être responsable dans sa zone. Fait qu'un MLN, un deuxième MLN. Un deuxième MLN qui va bien. Rajoute-nous un autre MLN qui joue bien comme quand ça fait pas gagner la coupe, ça fait une bonne saison, mais ça fait pas gagner la coupe. C'est quoi la date limite des transactions? Moi, c'est mon opinion. Mars, fin février, début mars. Ça nous prend genre un Steve Ott. Ben ouais. Ça nous prend un Chris Neal. Steve Ott, non. Ça nous prend pas ces gars-là, mais ça nous prend un bon des grinders, on a là quand même. Ça nous prend un bon gars qui joue physique. Evander Kane. Non, ça prend quelqu'un qui est capable de coller le ballon. Ramenez-moi Steve Bégin. J'aime pas Evander Kane. Un Maxime Lapierre. Ben Maxime Talbot, je le prends. Non, mais c'est parce que d'une manière ou d'une autre. Un Maxime, un Max. De manière ou d'une autre. Deux Max. Alex, on parle d'un top défenseur, mais je veux dire, toi, tu parles d'un top attaquant. Si vous voulez, genre, parler comme d'un attaquant qui va être attention, aussi... Attention, ça suffit. Si vous voulez parler... Le point est fait. De manière ou d'une autre, si on dit, OK, on va aller chercher un défenseur qui relance bien l'attaque, tout ça, on va dire, ouais, ça, c'est un top défenseur. Si on va aller chercher un gars qui score des buts, ben, c'est un top attaquant, man. Je veux pas un gars qui score des buts, je veux un gars qui score 20-25 buts. Pas ben, un top. 20-25 buts, ça coûte pas un cher, top. Man. Non. C'est pas un top, c'est genre un... Ben, 25 buts, c'est un but par 4 games, à peu près, ça. C'est genre un Luchik, là. Oh, tabarnak. Hey, sur ça, on va aller faire la deuxième entraque. Bonne année! Pour la troisième période. OK, les gars, je parle pas de la troisième, presque, OK? Wow, on va faire un cadeau. Bonne chance. Hey, Mart. Moi, je dis ça prend 2 secondes. Là. Je vais dire 2 minutes 30, il parle. Des promesses italiennes. Des oui-dire. Des candidats. Non, je fais comme le Canadien. Je lâche en troisième période. Ah, ça serait même pas dans le montage. On va le couper, ça. Ben, on pourrait commencer là-dessus. On est de retour pour la troisième période, mesdames et messieurs. Et voilà. Et c'est maintenant le temps Avant que tu partes la troisième, je vais revenir sur le cas Brière. Non, ben, parce que tu fais le semi-grand. Quoi, t'as été checker ta collection de cartes de hockey de Brière? Ouais, Marc. Okay, je l'ai trouvé recul. Puis dans le Beckett, ça vaut cher. Pas, je l'ai. Hey, Marc, vous parlez de ça, là, mais je l'ai, la carte de recrue de Brière. Oh, ouais. Mon le Dieu. Que ça vaut valoir quand même. Ça vaut 4 pièces. Ah non, ça va. Il faudrait que je me pogne un Beckett. D'après moi, il gagne 4 millions, Alex. D'après moi, tu peux checker en main. Check sur eBay. Check sur eBay, voir comment ça vaut. Je sais, ça vaut rien. C'est 1 pièce du million. Ah, un gros 4 piastres. 4 à 50. Non, mais tu vas pas garder ça chez vous parce que les chances que tu pognes une commotion, ça grandit. C'est genre dans ta vie, peut-être. Ouais, si tu gardes cette carte-là, tu vas avoir un petit teint de lait de veau. Tu vas avoir l'air de Casper. Ben, sur ces bonnes blagues-là, on va aller faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Ah, ben c'est encore la version Noël. Eh oui, ben on est encore dans le temps des fêtes. Ouais, ben au début 2014. Bonne année, joyeux Noël. Joyeux Noël. Même si on a l'air de s'engueuler comme ça, c'est pourri. On va tous faire foutre. Bonne année. Bonne année, les cons. On n'avait pas des partisans français. Allez, les cons, voilà. Bon, ben ça a été décidé. 60 matchs par année pour RDS par rapport à TVA Sport. Je suis content. Moi, je suis content. Je suis content pour Alain Crête. Ça va forcer la compétition. Ça va donner. Le pire, c'est que le propriétaire, pas le propriétaire, mais le boss de RDS, il a dit exactement ça. Ça va créer de la compétition. Puis je trouve ça parfait parce que justement, on va avoir probablement un meilleur produit à cause de ça. Vas-tu dire que Pierre va moins se fourrer de nom? Non, je veux dire que Pierre va probablement se faire éclairer. Non, peut-être plus comme Alain Crête. Ah, oh, Alain Crête. Il va aller à TVA. Alain Crête. Il va se faire éclairer pour aller pogner une job à TVA. L'annonceur le plus insignifiant qui existe. Je le vois tout le temps le matin, il prend le café aussi. Alain Crête, va y parler, dis, t'es bien insignifiant. Je l'aime, je l'aime. Bonjour, Alain, bonjour. Il est correct, Alain Crête. Je pense que c'est un de ceux-là qui dérange moins, man. À quoi, toi, tu t'écoutes pas RDS, toi. Hein? Ouais, ben, comment RDS, ça, t'as même pas de câble, Steven Hunter. Non, mais non, je parle. Il vient qu'il n'y a pas de câble, mais je dis qu'il est. Ah, je l'ai eu assez longtemps pour m'écœurer de la style dans une chambre d'accueil. Ouais, mais cette année, là, ben, il joue même plus dans une chambre. Pas à l'animation du Canadien. Ça fait longtemps, là, ça. Ben, Alain Crête, il est pas si pire que ça. On voit quand même Benoît Brunet, là. Ouais, mais c'est ça. Bon, Chris, il y en a des pires à ce style. Il remplace Bergie, Benoît Brunet. Hey, Bergie, Bergie qui switch de team, man. Puis le lendemain, esti, RDS, il pogne drette. C'est malade, ça. Ça, c'était wow. C'est-tu fait fourrer, parfait. Ben, il s'est pas fait fourrer parce qu'il savait pas ce qu'il... Lui, il voulait le cash, il voulait sa paye, il voulait tout ça. Fait que d'après moi, il a été comme avec le choix. Mais j'espérais qu'il est très proche de Québécois puis qu'il est très ami. Ouais, il va aller Québec, Montréal, c'est ça, il était dans le place. Ça faisait longtemps. Ouais. D'après moi, ils l'ont très bien payé. Ouais, vu qu'ils ont eu du hockey, ils ont dit, okay, mais, c'est beau, mais, je vais retourner avec vous. Dans le fond, mais je le vois. Ils sont allés chercher Renaud Lavoie puis... Michel Bergeron. Ben là, à date, là, c'est pas si gros c'est que ça. C'est pas un là. Gros clean-out. Non, non, non, mais ça prend, si on Martin McGuire puis Dubé... Non, ça arrivera jamais. On signe pour 5 ans, ça. Ah, c'est sûr que non. Si ça arrive, je vais être très surpris s'ils ont McGuire puis Dubé. Mais c'est une description de match. Je serais très surpris. Mais Bergeron, par exemple, je suis sûr que... Ça va être pogné avec Penneau, c'est calice. Pedno. Ça, c'est Going pay back with Pedno. Ça, ça, c'est dans le top. Carton rouge et bouillon. Mais Bergie, là, je suis sûr que ça l'a fait chier de partir d'RDS pareil parce que ça faisait longtemps. Je suis sûr qu'il était bien cher RDS. Mais moi, ça me fait chier parce que Bergie, je l'aimais. Ben, il est drôle. C'est un de mes préférés. He's funny. Bergie, ouais, c'est ça, exact. Il parle de ses joueurs. Non, mais il n'y a pas ça. Il parlait souvent de ses joueurs puis il parlait de Stachny. Ses hosties de Stachny. Il parlait tout le temps de son hostie team des années 80 qu'on se calait. Ça fait plus que 20 ans. Il revenait souvent là-dessus, mais il amenait souvent le des point points que tout le monde pense, ouais. Mais qu'il le dise juste pas. C'est ouais, ça. C'était du basic. Moi, disait, je l'aimais pour mais ça. Ça faisait la job. Il y avait souvent Bergeron, c'est Bergeron, le plus gérant d'estrade qui se rapproche de tout le monde, qu'est-ce qu'il pense ouais. Chez eux souvent. Puis lui, il disait. Il était pas si pire dans le fond. Moi, je l'aimais. Moi, je trouvais que ses opinions étaient vraiment. Mais comme Desharnais, là, lui, c'était un gros défenseur de Desharnais. Puis il disait, faut que le monde aille. Puis il a eu raison. Je me demandais de quoi tu parlais. Comme Desharnais. Desharnais, quand il était comme en non, non, c'est ça. Non, mais. Il y avait juste François Gagnon qui disait, retournez-le à Milton. Puis. C'est non, mais tout le monde parlait pas de lui, puis lui disait oui, Desharnais, ça le prend, puis il a eu raison parce que cette année-là, ça a été l'année de feu de Desharnais. Non, mais même cette année, ouais. Il disait c'est bon, le mettre sa jambe, mais non, tu le retournes pas nulle part, tu l'échanges pas, oh, tu c'est le gardes. Une tête d'or, il va repartir, mais... puis. Ben, c'est pas un Népal, gars. Ah, puis il disait que Michel Therrien faisait des bonnes choses. C'est quand même le seul entraîneur qui a été échangé dans la ligue, là. Ouais, en tout cas, par rapport à TVA Sport, c'est 60 matchs pour RDS, mais TVA Sport garde quand même l'exclusivité des séries. Racheter le poste. Ouais, mais attends, pour les playoffs. L'exclusivité des séries. Puis les samedis. Tous les matchs des samedis. Ah, arrête, tu ne l'achètes pas. Tu prends dans ton forfait d'attitude. Tous les matchs de la Ligue nationale sont diffuseurs ouais. Officiels de la Ligue au complet. Fait que tu n'auras plus de matchs de hockey à part du Canadien à RDS. Ben, je n'écoute pas vraiment. Moi, je ne suis pas capable de rentrer dans une game de hockey quand ce n'est pas mon team. J'ai vraiment ah ouais, non, moi, j'aime non, ça. Non, mais moi, je suis capable d'écouter, mais j'ai, moi, j'ai pas moi, la j'ai même émotion. Moi, je me pogne un team. Là, je m'en fous. Je peux me lever et aller me chercher. Honnêtement, si je me pogne une game que j'aime un peu un team déjà, si je me dis, OK, je veux ce team-là gagne, j'embarque. Une coche en dessous du Canadien, mais j'en ben, des fois, il y a deux teams qui font comme ni chaud ni froid, puis là, on dirait, t'analyses vraiment la game froidement. Hey, là, tu regardes ça d'un bon j'ai écouté la classique hivernale, puis c'était Toronto, man, puis je t'ai embarqué dans la game. Bon, tu ben, tu prenais pour qui? Un excellent segue vers mon sujet. Parlons-en de la classique hivernale de bord, pendant que vous êtes sur ce sujet-là. C'était hot. Pourquoi? Parce que c'était une classique hivernale. Il faisait frais. Il faisait vraiment pas beau. Tabarnak! Puis la POC, elle faisait des affaires bizarres comme qu'on connaît sa glace au coin de la rue. Il était pas capable de se faire des. Ouais, mais exact. C'est comme nous autres, tu sais, comme l'OD, c'était l'OD du monde, mon gars. Il y avait 105 000 personnes en affaire d'un. C'est la classique hivernale qui m'a plus fait penser à quand tu joues quand à une game d'hockey, ouais, c'est une patinoire extérieure. La POC, elle bouge jamais bien. Dans le temps de Théodore. Faisait juste fret. Faisait juste fret, mais c'était quand même une bonne classique. Mais ça, c'est comme la première. Ça, c'est une classique héritage. C'est pas la même chose. Classique hivernale, classique héritage. Héritage, ça, c'est les. C'est Canada. Cette année, il y a des héritages, il y a des hivernales, sud-américaines. Est-ce qu'il va y avoir une classique à Montréal? Non, mais celle-là était exceptionnelle parce que... En plastique. Celle-là était exceptionnelle parce que tu avais deux gagnants de dynastie de Coupe Stanley qui étaient à Montréal, Edmonton. t'avais Gretzky, Coury, tu sais, là, du côté d'Edmonton, tous les gros joueurs, Grant Fuhr, qui ont joué pour les grosses équipes des Oilers, puis de Montréal, qui avait comme ben du. Ouais, quand ils ont fait la game des anciens. Ah ouais, la game des anciens. Je me demandais, là, j'étais comme, Mart, t'es déconnecté. Non, non, non. 1980. Non, mais je veux dire, tout le show overall. Tout le show overall. La game d'avant match, t'avais le goût de le voir parce que t'avais le goût de voir Gretzky, t'avais le goût de voir Roy, qui était comme à Montréal. Tu sais, c'est ça. Mais la game, mais pour revenir à la game de cette année, là, la Détroit contre Maple Leaf, d'ailleurs, que Maple Leaf ont gagné en fusillade. Là, Compte de fées. Ouais, ouais. C'était honnêtement, c'était ça. What a surprise! C'est ça l'affaire, c'est que c'était tout le match au complet. T'avais les Américains ont pu expérimenter tout le hockey. T'avais une game, une prolongation. T'avais une fusillade, t'avais la neige, t'avais le fret, t'avais tout, man, pour la game. Mais moi, c'est la neige qui t'a pris mon ben, moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que les joueurs. La neige dans le coin des bandes. Les joueurs avaient vraiment besoin de montrer leur genre de talent avec la puck parce qu'il fallait qu'il y a lob pour faire des passes. Tu peux pas faire une passe glissée sur la patinoire, ça marchait pas. Ils ramassaient autant de neige que de puck. Fait j'ai fait comme, waouh, ça c'est vraiment cool, c'est top. C'est comme quand nous autres on joue des hommes. C'est ça qui était le fun. Quand un joueur arrivait pour breaker devant le goaler, là, il y en avait en tabarnak de la neige qui revalait dans la face. Ah, mais c'est pas avec ça, la puck, là, souvent, là, il allait s'en arrêter de son stick, il perdait. Et c'était plein de fuck-up. Dans le coin, elle arrêtait. C'était impossible de scorer un but, man, d'une game dans la même. C'était tough, man. Première période, à l'intérieur de 5 minutes. Ils ont embarqué tous les scrapers sur la glace pour tout nettoyer. C'était malade. Il y avait tellement de neige. Il y a un banc de neige. Ils ont tout amené ça dans un coin. Là. Puis il y avait un hostile banc de neige. J'ai adoré le speech de Babcock, comme je vous disais tantôt. Ça, je l'ai pendant pas vu, je l'ai manqué. Là, tu vois Jimmy Howard, il est assis sur son banc dans toute la chambre. Tout le monde est assis. Puis Howard, là... Mention à Babcock pour son beau casque. Ouais, c'est beau. Il était beau. Mais Howard, tu le vois, là, puis c'est comme, il fait genre ses mimiques comme s'il faisait des saves, là, pendant tout le long que Babcock fait son speech à l'équipe. Lui, il écoute pas. De bon cop. Non, d'après moi, il bon écoute. Babcock. Non, ça c'est trop mauvais. Ça, je trouvais ça cool. J'aime ça voir un goaler qui est intense de même dans la chambre avant de commencer la game. Ouais, il était vraiment en visualisation. Ça, j'ai vraiment trouvé ça nice. Puis Bernier, ben, il a goalé une petite game. Puis c'était vraiment bon. La fusillade d'Atiouk, le but qu'il a fait en fusillade, c'est comme wow, hostie. Les mains de il y a eu une amende suite à cette game-là à Jeffrey Loupol pour son coup par derrière sur... Il a fait un coup par derrière sur Patrick Eaves, donc 10 000 $ d'amende. Le top. Le top de l'amende. Puis ça lui donne quoi, man? Il y a eu un nasty cross-check en première période là dans le côté de la gueule d'un gars de Détroit. Mais c'est ça, c'est pour ça que... Ah, c'est ça, là? Ben oui! Ah, c'est-y. Il devrait faire comme... Je m'excuse, je vais revenir. Old-time hockey. À la NFL, mais il devrait faire comme 100 000. Oh, t'as This NFL, toi! Fucking baseball! Hop, c'est pas de barbare. Ça t'a fucké mon écouteur. Ah, excuse-moi. Mais non, mais eux autres, ils ont des astuces bonnes à mort. Non, mais Chris, 10 000, c'est une joke. On s'en lance pas des ballons ici. Joke. Quand quelqu'un, ça coûte 150 000, ça fait mal. Le problème, il est là. C'est que 10 000 pour un joueur qui gagne pas genre des millions par année, ça peut faire plus mal. Ben 100 000 pour un gars là, qui gagne 450 000, là, que c'est un joueur ça va lui faire mal encore, que c'est un joueur quatrième trio puis il pense jouer tough là, comme lui, c'est comme il vient comme de Armstrong là, tu sais, il gagne 1,5 million comme là, John Scott mais vous faites des liens incroyables parce qu'on allait parler de John Scott. On est tellement rendu, on est rendu dans le monde du football. Je parle d'hockey puis tantôt. D'après moi, bientôt on va parler du ballon rond. Le curling, ballon rond, le curling, le ballon balai. On va parler de l'autre qui joue du ballon. Fuck off, on parle pas de curling, c'est Chris. On parle de hockey. On va jouer au curling. Steve Yzerman? Oui. Ouais. En curling? Ouais, Steve Yzerman en curling fait des top corners. Avec la bouilloire. Avec la bouilloire. On parlait de John Scott. John Scott qui a marqué son premier but depuis 2009. John Bravo. Scott! Woo! Yeah! Il y a juste moi qui est vraiment content. Combien en carrière maintenant? Ça lui fait deux buts en carrière. Deux buts en carrière, tu veux ça. Real goon. Ça fait de lui qu'il reste dans le top 5. Un joueur inutile. Il reste dans le top 5 des joueurs. Donc, le 5 aux vierges. OK. Les joueurs ayant joué plus de 200 matchs et pas plus que 2 buts. C'est les joueurs qui ont play. On est en train de lire une feuille. Qui est en anglaise. Qui ont joué 200 games et plus puis qui ont... pas plus que 2 buts. A Brad Brown qui a joué pour Seattle, Philadelphie, lui. Lui a joué pour Philadelphie, il a joué une coupe d'équipe, ouais, c'est ça. Il a joué dans Philadelphie. Dans le film avec Tom Hanks. Ce gars-là. Philadelphie. C'est un gars de jury. 333 games de jouer. deux buts. Nice. Combien de minutes de pénalité? 747. Oh yeah! Wouhou! Ça, c'est un bâton hier. Ça, c'est le top dans, le dans la liste. Là, c'est lui qui a le plus de minutes. Plus de games, mais sans but. Man. Ouais, ok. Après wow. ça, on a calvaire. Christian Laflamme. Hein? Lui, wow, Christian Laflamme. Il a joué à Montréal. C'est un hostie. Il a joué de Christian Laflamme. Il a joué de 97 à 2004. Il a joué 324 games, 2 buts. 47 passes, 45 passes. Ah, mais c'est un def. Il a quand même 47 points. Moins 5, c'est un def, ouais. Chris, c'est pas pire. Il y a 282 minutes de pénalité. Ouais, mais c'est tout des hooks. C'est un défenseur défensif. Ouais, un bon défenseur défensif avec son plus moins avec le nombre de game kills. Okay, c'est un bon défenseur. De 81 à 84. Un gars que. Dave Semenko. Non. Don Spring. Monsieur Spring, Monsieur Spring, okay. Les minutes de pénalité. A joué 259 minutes, un but, 54 passes. 259 minutes. Ouais. Non, de game. Okay. il y a 80 minutes de pénalité. Donc minutes. Un joueur inutile. Vraiment, ça c'est pourri. Comment qu'a joué 284. Mais comment qu'a joué 250 games ce gars-là? 80 minutes, un but. Pas battu, il a rien fait. Il a joué. Qu'il a joué moins de 10 minutes par match. Rien cool. Ce gars-là a genre 178 shots en carrière. C'est comme un gars. Ok, brilliant. Là, next. Wow, next, next. C'est vraiment pas gros. Ça. Ah, mais là, quoi. Il y a des games plein. 100 games, mais un peu moins. 80 games. Ok, fait que. Une saison complète. Encore, là. Ok. Minute, de 94 à 2002. Eh boy, David. Ouais, l'imprimante faisait défaut, je pense. David Arioch. Arioch. Lui, j'ai déjà entendu ce nom-là. David Arioch, de 1994 à 2002, 212 games, 2 buts, 14 passes, 16 points, moins 55, 188 minutes de pénalité. Ouais, c'est même pas gros, là. En combien de games? Attends, l'autre joueur, là, 212. L'autre joueur d'avant, moins 58, Alex. Ça, c'est juste une marde. Spring? Lui, I love him! Le joueur que tu parles, là, ça doit être... Awesome. Lui, c'est le pire joueur. Ouais, mais ça, Dave, là, qu'est-ce que tu lis comment là, c'est quasiment tout des defs. Comment qu'il a joué si longtemps dans la Ligue nationale? 260 games, moins 58. Ouais, mais ça, c'est tout des defs, là, tu check, là, c'est pour ça. C'est un défenseur? Ouais. C'est tout des defs. Ah, ouais, c'est ça, là. Le dernier... C'est pas dur d'être moins d'un def. Le dernier, c'est un def, mais il a joué left wing aussi. C'est John Scott. Hey, dans le top 5. Fait que son premier but à John Scott remontait au 15 novembre 2009. De 2009 à 2014, il y a, c'est ça, 2 buts, 4 passes. Il y a 6 points moins 4 14, passes, il n'y a même pas de passes. Son premier but, il était dans l'uniforme du hey, Wild. C'est il y a combien de minutes de pénalité jusqu'à là? 369. C'est-tu le gars qui a le moins de points dans toute la gang? Ouais. Ouais, parce qu'il y a juste 4 passes. Le reste, ils ont fait le 45 ouais, passes. Ouais, mais il joue pas gros, passes. Man. Il embarque une game, il fait deux chiffres, il se bat puis il s'en va. Calisse, il peut pas avoir des points. Ça va pendant 5 minutes. Secondes, man. Son premier but était assisté de Owen Nolan, juste pour vous dire de même. Ouais, mais c'est un def, Calisse. Il y a rien. Il y a rien, man. Il y a aucun. Il a bien. C'est un def. Non, mais au début de l'année, tu disais que tu voulais aller chercher. Pourquoi tu voulais aller chercher ça? Ah, pas un Parra, def. Non, sérieusement. Parce que John Scott, c'est le job, gars. Si. John Scott, c'est le gars le plus craint en ce moment. Ouais. Il sert mais à c'est quoi juste que ça? Dans un def, je le prendrais pas parce que je jouerais pas à cette def. Puis j'embarquerais pas c'est pour un. Ça qu'il est moi, pour de vrai, je jouerais au hockey en tant que joueur normal. Ok, je suis pas un batailleur, tout ça. Tu dis que c'est le joueur le plus craint peut-être en tant que batailleur. Ouais. Fait que Paros, il craint peut-être John oui, Scott. Ben oui. Mais moi, je serais, mettons, un Gallagher. Un petit ici qui travaille ou. Tu sais, j'en ai pas quel autre joueur. Le gars que je crains le plus, c'est pas John Scott. Il viendra pas me pogner. Donc, ça, pourquoi pas? Moi, ça va être un Chris Neal. Neal va venir me pogner. Parce que quoi? Ou Steve Ott va venir me pogner. Pourquoi Mark viendra pas de drop? Il viendra pas de drop. Pour toutes les mêmes raisons qu'aucun goon vienne pogner un petit non, joueur. Ouais, mais il te pognera pas de drop. Non, il te pognera pas de drop. Il va te pogner, ça fait mal, man. Non, mais non, non. Mais il sera pas sur la glace pendant que moi je vais arriver dans un coin de bande, man. Non, mais quand tu vas arriver dans un coin de bande, il faudra qu'il te pogne. Quand t'es un joueur des trois premiers trios, John Scott sera pas sur la glace. Il va mettre John Scott quand le quatrième trio, le batteur de l'autre équipe est là, il met John Scott. C'est pour ça que je joue presque. Ah oui, pas. Ok, John fait Scott. Alex, t'es un bon joueur, Alex, t'as pas peur de John comme, Scott. Alex, il a comme le sentiment de se défendre parce qu'on a fait de la même affaire pour lui puis Luchik. Là, il est comme en train. Mais de j'aurais plus peur de Luchik que John Scott. Je serais un bon joueur. Ben oui, c'est sûr. Je serais mais dans John le top Scott, 9, il est pas bon. On s'entend qu'il est pas bon, mais il est bon dans il est pas ce qu'il fait. Dans... Ben il est peut-être le meilleur, il est peut-être le meilleur batailleur. Il est peut-être le meilleur batailleur. Les batailleurs, ils ont peut-être peur de se battre contre. Chara, il veut même pas se pogner contre lui. Oui, pense-y deux secondes. Non, il veut pas. Ça étonne pas. Bukaki, ça étonne pas. Là, YouTube that shit. John Scott contre Chara, ça existe-tu? Signature de contrat ouais, pour Dion Phaneuf. Ouais, 7 ça, ans, 7 millions par année. Ça, c'est moi qui ai amené ça. Man, ouais. Podoré, c'est ridicule. Qui aurait payé ça? Ben, c'est quoi ben, ses stats à lui? Attends t'es un peu là. John, les stats. Juste, non, non, il y a vraiment pas des bonnes stats. Parce que Dion, Faneuf, ils l'ont pris beau. C'est son leadership. Son leadership, puis parce qu'il est capitaine. Si je ouais, sais mais. Pas. Ça, marche, que ça, quand ils sont allés ça chercher... marche à Toronto. Pourquoi? Parce que. Il ramasse le gars comme un train, puis c'est tout ce qu'il est capable de faire. Mais non, non, non, non, c'est un bon def. C'est un bon def. C'est un bon def. Il vaut pas 7 millions. J'ai ses stats. Est-ce que James Wisniewski vaut-tu 5 millions? Non. Il a ses stats. Non. Quelles stats vous voulez là, en carrière je pense qu'il n'est pas loin de 7 moi, je veux ses stats. Non, à Toronto. Je veux ses stats complets en carrière. À Calgary. Calgary, il y a des assez bonnes stats. Moi, je vais à Toronto. Je veux le total. Moi, je vais à Toronto. Mais non, parce que tu juges. Mais c'est Toronto qui a donné 5000. C'est Toronto qui a donné 5000. Non, oui, ils ont donné 5000 parce qu'ils ont checké sa game à Calgary. Ils vont passer sur ça. Fait quoi, 3-4 ans qu'il était à Toronto? C'est la 5e année qu'il était à Toronto. 5e année. Ça compte pas qu'est-ce qu'a fait Calgary. C'est Toronto qui a donné 7 millions. C'est leur capitaine, man. Non, mais c'est ça. Pour le leadership, ils ont donné 7 millions. Pourquoi ils ont donné son premier contrat pour ce qu'il avait fait à Calgary? Ouais, puis après ça, pendant 5 ans, il était de la merde. Ouais. Puis ils ont donné quand même 7 millions. Fait que c'est Toronto qui ont donné 7 millions. Donne les stats générales. Moi, j'ai pas de stats en carrière, il a joué 640 games, 110 buts, 247 assists, 357 points. Okay. C'est beau. Plus moins, c'est pas marqué. Un point deux matchs. Pour un def, c'est quand même. Là, c'est pas marqué pour au total. C'est constant. Mais contre, avec c'est Toronto. Zéro, je sais pas. Ouais, vas-y. Avec Toronto. Avec Toronto, ok. Alors, bon, il a joué. Dans les 5 dernières années, 26 games, 66 games, 82, 48, 40. Ouais. Il a-tu été changé ou il a été signé? Il a été changé. 2 buts, 8 buts, 12 buts, 9 buts, 4 buts. OK. 2 buts. Puis il est à moins 2, moins 2, moins 10, moins 4, puis t'as plus 15. Il est bon défenseur défensif, par exemple. Cette année, il est quand même à plus 15. Ouais. Non, mais c'est bon. Ça, faut y donner, par okay, exemple. OK, pour la ça, saison courante. Plus 15 pour combien de points cette année? Plus 15 pour 17 points. Ah, c'est bon. C'est 40 beaucoup, games, même. 4 buts, 13 assists. Hey, 17 points, là. Combien de buts? Il est 17 4 points plus 15. Ça veut dire qu'il se fait pas souvent compter quand il est sur la glace, ce gars-là. Non, ça, si je te non, le donne. Mais, non, mais ben il compte pas de buts. Peut rentrer de son mais bord, d'habitude, man, tu rough, donnes pour hein? 5 millions, tu donnes pas ça, man. Ouais, mais tu donnes pas 5 millions non, au défenseur défensif. Tu donnes pas 7 millions, peut-être okay. pas, mais tu donnes 7 millions. Il n'y a pas le meilleur jeu à l'attaque. Tu donnes 5 points, c'est ton capitaine. Il n'y a pas le meilleur jeu à l'attaque. Il paye pour le leadership. Oui. Il paye pour la chambre. Il paye pour le. Il paye pour le. Genre, comment ils vont vendre son hockey à. C'est ça, je dis, mais. Avec des gros guillemets. Du hockey, genre ça. A un gros. On quote. Non, mais ça a un gros solide, impact. Du hockey rough. À Toronto, c'est ça qu'ils sont allés chercher les dernières années parce que. Je sais, mais c'est overpaid. C'est overpaid. C'est overpaid. Moi, je pensais que Toronto. C'est pas bon pour Bergeron. C'est pas bon pour l'année. Non, c'est pas overpaid parce que c'est leur first. C'est leur premier défenseur. Oui, c'est qui leur premier cadre si c'est pas lui? Hey, on a payé 5,5 millions Markov quand c'est le premier défenseur. Là. Check le line-up de défenseurs hey, là-dedans. Là. Hey, va checker c'est le salaire, qui le premier là, def? Le défenseur c'est... payé. Le défenseur de Toronto. Non, non, les c'est-tu défenseurs quoi? Payés. C'est-tu Dowdy quoi? Gagne quoi? 8,5? Non. C'est non, pas non, bien non, les défenseurs. Il gagne plus 9. Il gagne pas 8. Non, non, il n'y a pas de défenseur. Va sur 8? NHLnumbers.com. Non, mais qui vous voulez dans les défenseurs? Ben, tous les défenseurs. Le massacre des défenseurs. Ben non, un défenseur, si ça fait entre 8 et 10, là. Jamais de la ben vie. Oui, Carlis. Ben il n'y a oui, pas non, un défenseur oui. qui gagne 10. Ben voyons, Omar, t'es mêlé, toi. Hey, excuse, les défenseurs, ça fait tout entre, OK, admettons, entre 7 et 9. OK, non. Peut-être pas 10. Non. Oui. Dowdy, oui. Non, absolument pas. Ouais, je m'excuse. Pas tous les défenseurs. T'es déconnecté, là, parce qu'il y a un pas, défenseur qui gagne 8,5, c'est Dowdy. Ouais, donc Tyler Myers, Collis, l'ont signé à 12 millions l'année passée, man. Ouais, c'est pas par année, ça, là. Pas, pas oui, par année. Oui, non, oui, non. Check, le joueur le mieux payé, c'est Ovechkin. Non, check, non, check non, le premier. Check le quand ils ont signé Tyler Myers à Buffalo. 12 check, millions par année. C'était pas loin. Ça serait le joueur le mieux payé dans la Ligue nationale. Je te dis, man. Hey, les défenseurs. Mais Ovechkin puis Crosby font pas ça. Drew Doughty, ça partit à 9,4 millions, OK? Il fait 8,5. Je suis même pas sûr qu'il fait 8. Fait, oui, il fait 8, man. Hey, Shea Weber fait 7. Fait 7. 7. Vous me gossez, Carlis. T'as pas raison. Numbers, oui, man. Hey, man, check juste le salaire de Wisniewski, comment ils l'ont signé, man. Attends, tu veux qui? C'est Tyler Myers? Tout le monde. Non, Tyler Myers. Va chercher Tyler Myers, ça sont 12 millions par année. Seabrook. 12 millions première année, mais après ça, 6, 5, 5, 4, 3 et 5. Pour une moyenne de combien par année? Non, non, c'est une moyenne par année qui compte sa masse salariale. Il est à combien, là? 7 ans, 38 millions, le contrat. Fait que c'est ça, la moyenne par année. Fait que 7, pas toi, c'est 5, à peu près 5,4 par année. Ben, viens me dire après ça qu'il n'y a pas un défenseur qui n'a pas été signé. Mais c'est pas 12. 10 millions, genre. C'est pas 12. Qu'est-ce qui compte sa masse salariale? C'est 5,4. Tu parles pas par année, tu parles sa masse salariale. Ah oui, mais Chris, hey man, mais là, c'est ça qui gagne par année. Je m'en fous, tu gagnes 20 année, millions ouais. La première et puis 2 la prochaine. Je c'est propose la moyenne, qu'on fasse c'est 11, un bloc prochain podcast sur les contrats faramineux et les salaires. Drew Doughty gagne combien? Check. Je note ça ici. Ouais, Drew Doughty. Cherche-nous Drew Doughty. Je peux pas chercher des affaires non-stop. Là. Ah, la période est finie, les gars. C'est pas grave, là, on a une prolongation automatique. Ouais, donc, moi, je vais vous dire, là, sérieusement, là, puis check Wisniewski, qu'est-ce qu'ils ont donné. Puis check n'importe quoi. Check Chara, comment il fait. C'est tout 7 millions minimum, c'est les premiers d'offres. Ok, Dowdy, ok. Chara, mais pas Wisniewski. Tout, c'est ça qui s'en vient. C'est le Shea prix. Weber la masse va augmenter, man. Ils vont commencer à donner des 8-9 millions. Puis qui va gagner? Ok, Drew Doughty. Ces gars-là ont tous été signés. Drew Doughty. Pas à ce niveau-là. Drew Doughty. Drew Doughty, 8 ans, 56 millions. Son fait contrat. Fait ça 8 divisé c'est par 7 millions. C'est 8 millions. C'est 7. Il fait 7? Du 6, 6,50, 6,7, 7,7. Et voilà. C'est 7 millions. On parle d'une masse salariale. You, ton dos. Ouais. Ah, tabarnak, Tyler Myers, il y a eu un 12 millions dans une année. La première année, année, man. Oui, la première année, je comprends. Ça compte pas, ça. Mais c'est gros en crise, pareil. Non, mais ça compte pas, parce que tu calcules un salaire, c'est la masse salariale. Ben, comment qu'il coûte en nombre d'années? Tu peux pas calculer un an. Ah, tu peux pas calculer. C'est sûr, là, mais en tout cas. Tu peux payer check, un Ovechkin, je sais, pendant deux ans. Une dernière personne. 10 millions par année. J'aimerais ça, tu regardes celui-là d'Ottawa, le Suédois, leur premier def, Carlson. Non, mais ça, ça arrivera plus. Ils ont plus le droit de faire ça maintenant. C'est une nouvelle convention collective. Check les superstars. Toutes les années, là, que ça soit égal. Duncan Keith, c'est 7 millions. T'as plus le droit de donner 12 millions en première année, puis après ça, 6, puis 6, puis 6. Ouais, mais c'est pas un pourcentage. Non, c'est à cette heure. Eric Carlson, NHL salary. Bon, j'ai ça ici, alors ça sera pas très long. Vas-y, GF. 7 ans, 45,5 millions. Comment? 45,5 millions pour 7 ans, puis 5, 5, 6, 7. C'est ça, 5 millions par année. 45 et 7. On parle... Piquet Subban va gagner 8. Va gagner 8. C'est Shea Weber gagne 8 calices. Oui, mais là, on est dans une nouvelle réalité, Bart. Attends un peu. Hey, tu te rends compte que Crosby gagne moins que ça, man? Ouais. Crosby a commencé sa première année, genre. Ouais, c'est ça. Non, Crosby a commencé sa première année, il y a combien de temps? 850 000. À 10 millions. C'est, non. Non, il gagnait 850 000 pendant deux ans. Ça, c'est calcule contrat de recrue. Calcule les pas. Ça, ça non, mais je parle pas de ça, Alex. Je parle en salaire. Là, sa première, son premier contrat qu'il a eu en salaire, tu le calcules pas à partir de la première année, tu le calcules à partir de la moyenne qu'il a faite. Si tu calcules la première année, il y en a qui vont donner genre 12 millions la première année. OK, fait qu'on s'entend mais qu'un def. Son contrat, un, va faire un def. Ouais. Mais tous les gros def, tous les gros def en ce moment, ils ont été signés genre là, déjà deux ans. Un bon ans, défenseur. Un top, là. Un top genre à Drew Doughty. Drew Doughty, tu peux comparer à Shea Weber, Drew Doughty, Sidney Subban. C'est tout la même calice d'affaires. Sur ça, on va checker nos stats. On reviendra dans un autre podcast sur les salaires faramineux et tout ça. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur les salaires à part qu'ils sont bien trop élevés. Next subject. Bon, ben. Avant de terminer... Quand tu donnes 12 millions là, à un def, pareil... Next subject, j'ai dit. Anyway, man. avant de parler un peu de Sochi, on... Pis c'est une marde, Myers. Petite nouvelle sur... 12 millions. La Coupe Spengler. Oh. Frédéric Roy, le fils de Patrick. Y'a-tu quelqu'un qui écoute ça, man? Non, mais je voulais juste noter tel père, tel fils. Non, mais juste fois. Que Frédéric Roy, qu'on n'a jamais connu dans le junior. Non, mais c'est juste drôle. C'est pas pire parce que Frédéric Roy... Non, mais à l'honneur, il fait pas les erreurs de son père. Lui, il brosse une machine à café. Ouais, il y a eu une menace de mort aussi sur un autre joueur. C'est pas vrai. C'est banal, une menace de mort. Mais quand même, moi aussi, j'aimerais dire qu'il a frappé une machine à café, puis... Faudrait même le nom du joueur, il a dit non, mais pas dit. Mais tu sais, c'est comme un zéro qui kill you. Maman, s'il a fait le temps, ma fille. Mais café, you hit me again like this, I'm gonna fucking kill you. On est surpris. Je suis en train de. Je veux faire une vidéo, genre que je vais faire un doubling de sa voix, puis qu'il brasse sa machette. Je dis, hey, Mark, t'es surpris, toi, donne-moi gros 2-2 ou je te tue, mon esti. C'est un joueur qui s'appelle Roy qui veut faire de la merde. Ouais, c'est ça, là, Chris. Quand tu t'appelles Roy, là, faut t'aille péter des TV, des vidéos. Pius Roy, d'ailleurs. Pius. Ah, un next subject, ça, on s'en... Bon, ben, c'est ça, bientôt. Frédéric Pioque. Pioque, ouais, c'est les Jeux Olympiques qui s'en viennent, puis on a des petites questions par rapport à ça. Yannick Chalifou qui veut savoir ce qu'on pense de Team USA. USA! Avec Pacioretty qui a été pris, puis Galchenyuk qui a été ignoré pour l'équipe. Bishop et toi, t'es ignoré. Là, je vais vous demander d'être assez bref, puis de ne pas parler... Ben, c'est parce que là, USA, ils veulent jouer big, puis ils ont été prendre... Team USA, là, on s'entend-tu que c'est un team qui a genre 3 joueurs différents des Olympiques de 2010? À peu près. Mais ça monté. Ils sont allés chercher l'équipe qu'il y avait parce que l'équipe a marché en 2010 puis ils sont allés plus loin que probablement ils avaient espéré. Ouais, mais Pacioretty, on s'entend qu'il va jouer sa 3 puis sa 4. Ah ouais. Là, ouais, c'est ça, pas grave. C'est comme... mais c'est parfait. C'est parfait. Mart, là. Fait que, c'est des joueurs non, c'est étoiles. Hey, Eginla joue sa 4e ligue. Ouais, c'est sûr. Mon préféré de Team USA, Patrick Kane. Oh, Patrick Kane, tout un joueur. Fou, man. Si j'en parle. Mais on est bon goaler cette année, mais. Ça, c'est un joueur. Le Canadien aurait besoin. Ça, c'est one of a kind, c'est one of a kind, Amnesty. Eh non. Un gars qui casse la gueule à des chauffeurs de taxi. Il pas ce que tout le monde arrête de parler. Non, j'ai ça, il m'a fourré, je sais pas vrai, c'est mon autre sujet. C'est pour déconcentrer. Il y avait Renaud Dorval aussi qui voulait savoir. Renaud Laval? Oh, Renaud Dorval veut savoir quel serait notre. De Dorval ou. Renaud Lavoie? Quel serait notre alignement pour Team Canada, les joueurs qu'on serait sûr de prendre, puis le monde qu'on pourrait. C'est trop long. Ben non, ça. Mais on va y aller brièvement. Dave, ouais. Quelques stats. Brièvement, là, je vais y aller. Ben, brièvement, c'est pas évident. Là. Ouais, c'est les ça. Joueurs qui ont ils shootent là. Back à back. OK, gardien de but, les joueurs qui ont été invités au camp d'orientation. On a Crawford, Oldby, Luongo, Price, Smith. Bon, OK. Ça sera pas ça pas en tout. Ça va être quoi? Ça moi, je pense que ça va être Price. Price va y aller. Là. Ça va être Luongo. Smith. Puis probablement, voyons, style autre Québécois, là, que des peintres. Crawford. Donc, Fleury. Ah, Fleury. Non, pas Fleury. Tabarnak. Fleury a plus de victoires avec National présentement. Ouais, il y a plus de victoires parce qu'on est. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a six moyennes dans le monde. Il perd même plus, non, il perd même plus à maison. Non, mais il y a pas de mauvaise note. Ah, non, il est poche. Non, je veux pas Fleury, c'est un gars qui choke, man. Je dis pas que je le prends, mais je dis qu'il est. Je dis, tu sais, numéro 1, mais il devrait faire partie. Je suis malade, mais numéro 1. Mais il devrait faire partie. Hey, les Pingouins, c'est l'équipe qui score le plus de buts. Est-ce qu'il va être numéro 1? Chaque année, t'as deux goalers qui jouent aux Olympiques anyway, puis t'as un ça va être Price puis Fleury. Ça va être Price puis Luongo. Non, ça va être Fleury. Fleury, t'es malade, mon gars. Hey, sérieusement, là, va checker. Là, ça va être Price. Non, mais le monde chiote tant sur Fleury. Depuis les 5 dernières années, c'est le goal. Ah, puis il n'a pas de victoire. OK, mais si tu y vas avec Price, si tu y vas avec Luongo puis Fleury, ça va être parce que ouais, va tu vas avoir il va avoir plus un mauvais team de grave, non mais je parce qu'il dit plus hey man, t'es malade parce qu'il dit Fleury, que l'équipe est bonne est en avant safe, lui il va là. Avoir un moins bon team en avant de lui ça, avec le Canada Fleury, non, je suis d'accord avec lui par exemple Fleury mais mon gars quand, il choke ouais, sauf que là tu vas avoir d'autres bons joueurs devant lui. Quand les Pingouins jouent là, contre d'autres équipes, c'est souvent des moins bonnes équipes qu'eux autres parce qu'ils ont tout un instinct. Hey, les Team Pingouins, Canada, ils vont avoir un joueur. Non, là, tu vas avoir. Oui, mais tu vas avoir. Tu vas avoir toutes les autres équipes. Okay, ah non, je te calisse pas faire le début, man. Tu vas avoir toutes les autres équipes dans le tournoi, ça va être toutes des top teams. Les gars, on en parlera pendant les Olympiques. On parle de top player, man. On en parlera pendant les Olympiques. Ouais, mais il se même pas. On va juste donner nos choix. Je veux juste te dire une affaire, tu parleras même pas de Fleury pendant les Olympiques. Moi, j'ai dit, c'est Price, Luongo, Fleury. Tes choix. Ouais, Alex, je te respecte. Mange juste tes choix. Moi, c'est Price, Luongo, puis Mike Smith, ouais. Ok, tes choix. Je m'en calisse, moi. Mais Price, Mike Smith, pour vrai. Price, moi ça va être Price Luongo, puis probablement, ben je vais le dire, man, Fleury. Yeah. Mais je dis pas qu'il va goaler, je dis qu'il va être troisième goaler. Juste pour faire partie du team. Moi, j'ai question aux fans, voulez-vous avoir un podcast spécial sur les Olympiques après le. Ben ou pendant. Ouais. Ben, moi, je vais répondre comme si j'étais un podcasteur. Ouais, non, t'aimerais ça, toi, quand on parle du. Ouais, moi, je vais répondre comme si j'étais un podcasteur. Je m'en calisse, on en fait une quand même. On va la faire. Ouais, je prendrais les. Ok, les attaquants, les défenseurs, ouais, avec défenseurs. Ouais, roule-moi ça, Dave. Ouais, vas-y, okay, capable, ouais, let's go. Ok, Alsner, Boomister, ça c'est tous les joueurs invités. Boomister. Boyle, Doughty, Green, Amius, Amonic, Keith, Letan, Faneuf, Pietrangelo, Seabrook, Stahl, Subban, puis Weber. Bah, ok. Ben, le temps va être là. On a besoin de 6 et, liste, et peut-être 7. On a besoin de 7 peut-être, mais il va y avoir juste 6 qui vont jouer. Ben, en tout cas, moi je pense que c'est sûr que le temps va être dans la bunch. Ok, là, qui tu va pognes. Être... Ok, check bien ça. Drew Doughty, tu le pognes. Mike Green, ça peut être possible. Dan Amius. Moi, Mike Green, je la pogne pas. Même. Je sais pas. Travis. Non, s'il la pogne pas. Travis Amonic, moi, laisse faire. À lui, Travis Amonic, oublie ça. Duncan Keith, oui. Christopher Le Temps, oui. Non. Pietrangelo, non. Pietrangelo, oui. Oui. Le Temps, Brent Seabrook, certain. Mark Stahl. Stahl, non. Subban, je prends Subban. Ouais, Subban on ouais. prend chez Weber. Weber, ouais. Moi, je suis rendu à 4. Moi, là, j'ai. Pourquoi j'ai... Le Temps, tu le prendrais pas? Man, ce gars-là, honnêtement, là, dans les dernières années, depuis trop qu'il est blessé. Cheveux. Non, trop ouais, blessé. Puis ce gars-là. Est jamais capable de s'en remettre. Je sais pas, man. Il y a de quoi avec le temps. Fait que je le prends un pas. Joueur de verre. Il y a trop de bons joueurs au Canada. Puis il en manque même dans ouais, cette là, liste-là. Mais là, tu mettrais qui, toi, là-dedans? OK, là? Mais moi, je prends Doughty. Ça, c'est sûr. Bon, c'est ça. Je prends Green. Je ouais, prends Seabrook. Je prends Pietrangelo. Je prends Subban. Puis je prends Weber. Je suis rendu à 6. Puis comme 7e défenseur, ben j'irai avec Boyle ou ben, Boomister, man. Fait que ça, c'est à peu près. Moi, je prendrais Boyle en beau milieu. Bon, ben, d'abord, on passe sur les attaquants, là, où Alex veut faire tes choix à la défensive. Tu veux faire tes choix à défensive, Alex? Les défenseurs sont là. Ouais, parce scanne vite la feuille là puis Alex Alex moi j'ai dit défenseur Alex moi j'ai dit défenseur non non dis-le pas ok là. Je le dirai pas vas-y, je là, okay, pas le pas l'influencer j'en prends combien ben 6 à 7 ok j'en prends dis qui tu prendrais là ok Drew Doughty je l'ai dit aussi Duncan Keith je l'ai dit c'est moi qui l'ai dit lui Brent Seabrook Dion Phaneuf Shea Weber P.K. Subban Dion Phaneuf non là mais ouais il y a personne qui a dit Dion Phaneuf moi je vais le dire parce que c'est un bon défenseur défensif dans la liste qu'on a, puis il y a un septième réserviste, mettons. Ben, j'ai pas dit ça. Okay. Passons donc pour les attaquants, d'abord. On va dire dans la muse. Oh, okay. Ah, les attaquants, il y en a trop, là. Il y en a trop, là, mais... Okay. OK, je l'éclenche vraiment vite, là. OK, je vais juste les noms de famille encore. Bergeron, Carter, Couture, Crosby, Duchesne, Eberle, Getzlaff, Giroux, Hall, Kunitz, Ladd, Lucic, Marchand, Bad. Nash, Neil, Perry, Sharp, Stahl, l'autre Stahl, bon, son frère... L'autre frère. Mais là, c'est dur parce que c'est un défenseur défensif, défenseur offensif. Un gars qui frappe, un gars qui frappe pas. Non, ouais. Moi, je suis sûr, Taves, il vient. Ben oui, calé, ça, c'est un naturel. Taves. Moi, j'ai juste choisi en 12. Ok, mais non, c'est trop long, man. Ben vas-y, nomme qui se prendrait là-dedans. En fait, vas-y avec ceux qui te surprendraient. Mais moi qui surprendrais, moi, j'amènerais Duchesne, man. Ok. Moi, ok, on en nomme un, deux. J'amènerais Kunitz pour le faire jouer avec Crosby. Okay. Deux gars que tu t'emmènerais qui seraient pas supposés. Ah, Kunitz, j'aime son nom. Deux gars que je sais pas. Non, non, ben, regarde, je vais t'énumérer très vite, moi, qui que je prendrais là. Ah non, okay? On en nomme deux. C'est pas différent, toi. Deux, man. Ok, gars, Bergeron. Ok, tu prends Bergeron. Bergeron pour le patriotisme. Parce que ce gars-là. Il chante bien, là, au Canada, là. Oui, j'entends bien ça. Deux gars que tu penses Bergeron, que peut-être faut que tu sois là. Ouais, faut qu'il soit là. Puis c'est-tu qui que je prendrais? Puis il est pas là-dedans, c'est Martin Saint-Louis. Oui, oui. Ouais, bonne idée. Il est bon pas choix, dans la liste. Il est pas dans la liste, c'est Martin Saint-Louis. Pensez-vous qu'il va être là? Moi, je le mets. Oui, il va être là. Il faut qu'il soit là. Parce qu'il y a trop de bons joueurs au Canada. Ça prend de la fierté. Steven Stamkos sera pas là. Moi, Eric Stahl, honnêtement, les deux Stahl, les deux Stahl, là. Jordan, fuck off. Ah ben, tabarnak, Milan Lucic est dans la liste. Ouais. Puis je le prends. Ben, tabarnak. C'est-tu quoi, Alex? C'est-tu quoi, Alex? Je le prendrais pas. Ouais, ouais. Lucic? Non. Tu le prends à la place de Stan. Ouais, mais imagine. Ouais, mais imaginez, genre, Lucic, si, là, qui smoke, genre, là, des Suisses. Ben, moi, pour de vrai. Norvégien. Boom! Logan Couture, je pense qu'il faudrait qu'il soit là. Taylor Hall, Jordan et Berlin, non. Puis on a moins tes deux choix, là, Alex. Pas tout le monde. Okay, là. Logan Couture. Puis je prendrais un... J'aimerais bien ça, un Brad Marchand. Hey, puis je cache pas Giroux. Hey, Giroux, il est pas dans la liste. Un Brad Marchand, sa quatrième ligne, ce serait bon. Hey, Giroux, il est pas dans la liste. Oui, il est là. C'est okay. Pas ah, lui, je le pogne en crise. Il faut que t'apprennes à lire des lettres. Pas juste les chiffres. Après un grand match. Ah, moi, j'ai la misère avec mes consonnes. Tu sais que le team à côté, Philadelphie, il est là. Fais pas ton Jacques Demers. Fais pas ton Jacques Demers, là, après. Si moi, j'aimerais Ben Drossette, Jacques Demers, si j'aurais pu coacher Proby. Proby, come on, let's go! Tu pourrais shiner tes bagues de la coupe. Ah ouais, Proby, qu'est-ce que t'as à dire, toi? J'ai rien à dire, j'ai pas de feuilles, moi. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, lis la feuille. Scaler ma petite feuille. Come on, Proby! Scaler ma feuille, scaler ma feuille. C'est you, scaler ma feuille. À mise au jeu, Allen. Ouais. Mise au jeu à Len Proby. Je vais dire. Il va dropper contre Mauricio puis il va se faire call. Ouais, hey, c'est au GF de parler, Chris. Dans les surprenants, je vais dire moi aussi Chris Kunitz puis Matt Duchesne, moi aussi. Yes! What? Chris Kunitz? Hey, ouais. Oh, mais Kunitz, c'est juste pour le mettre avec Crosby. Ouais. On est comme semi-bandé Kunitz. On a tous des bons points. Mais Martin Saint-Louis est dans la liste. Martin Saint-Louis est direct dans la liste. Ben, on le prendrait, man. Hey, moi, je te dis, déchire-moi ça, cette petite liste-là. Mec, c'est juste que Paul a été en bleu, man. Fuck you! Vous êtes poche. Ouais, mais Ryan Getzlaff. Ouais, mais Ryan Getzlaff, c'est cool et tout. C'est une évidence qu'on le prend. Ok, mais check bien ça. Check bien ça. Je prends Bergeron, ok? On est d'accord ou on n'est pas d'accord, OK? Alex? Moi aussi. Okay. Mal au ventre, ça y est. Ok, c'est bon, check. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Patrice Bergeron, on le prendrait-tu? C'est bien trop long, on finit ça. Ah, ouais, t'as peur. C'est trop long. Pour okay, ouais, j'avoue, okay. On fera pas un par un. Non, non, mais c'est oui ou non. On en parlera pendant qu'on... Ah, si, bon. Pendant les Olympiques. Ouais, mais ça prend un spécial... On va faire un spécial olympique complet, parce qu'on n'aura pas le choix. Ok, vas-y, Jeff. Close-moi ça, chaud, là. Ouais, close-moi ça. Ben, c'est... Hey, ça met fin à l'épisode 7 de la soirée du podcast. Saison 2013-2014. Ça sera pas là, man! Ça me cause! Mais chier! Check encore la face! Fuck! Hey, Tavares, on le pognerait, par exemple. Ah oui, ben oui, mais c'est une évidence. Oui, Martin. Comme Crosby, tu sais. Mec, choisissent tous les joueurs. On va tout Patrick en Sharp, je le veux pour eux, man. On va tout en parler. On va tout en parler, Martin. Suivez-nous sur Facebook et Twitter, soirée du podcast. Puis donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Ouais, ouais. Venez nous écouter sur RZO. Vous n'êtes pas obligé, juste 4. Non, 5. Je me contente de 4, mais 5, c'est bien meilleur. Ben ça, venez nous voir aussi sur RZO, sur Stitcher, oui. Young.ca. Oui. Toi, RZO, c'est super fun. Il y a plein d'autres podcasts. Hein. Puis on n'a pas fini de... On a pas fini ton Stitcher que j'ai pissé. L'énumération de liste aussi. On n'a pas fini non plus de s'ostiner encore. Mais la non. saison est encore jeune. On est à moitié ouais, la saison. Non, moitié. Ah, mais dans le fond, les Olympiques, c'est quand la date? Février. C'est 2 février, je 2 février, pense, bon. 22. Fait qu'on a le temps de parler des Olympiques encore pour le prochain podcast. Ben oui, puis... Prendriez-vous Rick Nash? Hey, Jeff, je pense que c'est pas faire une question de fermeture si on prendrait des... Ben en fait, ma question va être... Vos line-up. Votre line-up de l'équipe Canada pour le prochain podcast. Vos joueurs surprise. Qui non, non, mais votre line-up complet, ah, là. Line-up. Ouais, faites un peu de travail de votre bord, là. Ouais, 12 attaquants, 7 défenseurs, ben, un en spare et tout, puis 3 goalers. Puis un coach aussi, tu sais. Un coach, c'est déjà fait. Là, on demande une grosse soirée de travail. Là, mais... Ben, c'est ça. Puis okay. les fans, vous pouvez aussi nous envoyer votre line-up. Vous envoyez-nous votre line-up. Et sur ce, ben, ça fait le tour de l'épisode 7 de la soirée du podcast.